Ouais. Ah, mon petit Chadou, ça va? Ça va, Chadou? Hein? Tu viens d'arriver pour te promener? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Échappé? Ouh! Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Ou au niveau des selles. C'est une sorte d'abcès, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le veto? Kiff. Mais tu devrais la faire stériliser, Chanman, hein. Ouais, ça Isobétadine. peut être un peu ouais. Bon, mon petit Fabien, on a du truc à te dire. Parce que du coup, là, tout à l'heure, Mehdi m'a fait une vidéo, cet enfoiré. Donc, du coup, il m'envoie le lien. Donc, je vais écouter ta vidéo. On a commencé à parler au début à l'écrit. Après, on s'est appelé. Et donc, du coup, on s'est expliqué sur certaines choses qui le concernent, lui et moi, de ce qui s'est passé. Donc, rien à voir avec toi. Après, on a parlé de toi, et puis je pense que Mehdi te déteste pas, et toi non plus. Et comme je t'avais dit à toi, tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de tout enlever et tout le bordel, ça ne servait à rien. Et toi, tu en as marre du zbeul, en vrai. Bon, regarde ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, en fait, moi, je savais déjà depuis 2 jours, j'ai expliqué à Mehdi que LPST, Mike voulait clasher LPST, mais il voulait que ce soit moi qui démarre. J'ai pas voulu. Donc Mike, ça lui a pas plu, c'est monté en épingle, tu vois. Sauf que hier, finalement, LPST, il était chez Mike. C'est encore moi qui passe pour la mauvaise dans l'histoire. Bref, t'as vu ce qui s'est passé hier, après dans les états que ça met et tout le bordel. Sauf qu'il y a quand même des choses que tu oublies, Salman. C'est que toi, tu penses que Sofia, elle est honnête et franche avec toi. Là, Mehdi, il m'a appris des trucs qu'elle avait dit en off. Genre, moi, j'étais amoureuse de Mehdi. Genre, moi, je suis amoureuse de Mehdi. Elle a dit ça à Mehdi, que j'étais amoureuse de lui. Est-ce que toi, en off, j'étais déjà. Est-ce que quand je t'ai parlé de Mehdi, je t'ai déjà dit que j'étais amoureuse de Mehdi, Jadou? Voilà. Donc, en fait, elle a raconté un peu de la daube à Mehdi. Et comme, en fait, Sofia, quand elle est avec Mehdi, ou quand elle est avec moi, elle va me parler de toi. Ou du King, et quand elle est avec vous, elle va parler de moi. Mais ça, c'est Sofia, quoi, tu vois, on la connaît. Et il ne faut pas prendre. Et là, comme il dit, Mehdi, il me raconte qu'apparemment, Sofia et Mike se seraient vus en vrai et qu'ils auraient couché ensemble. Je doute. J'en doute. Mike, il ne rencontre personne. Tu vois, donc même ça, j'y crois pas. Et c'est ce que j'expliquais à Mehdi. Je dis, Sofia, c'est une mytho. Elle joue sur plusieurs tableaux. Moi, en off, elle me parle de toi, elle me parle des autres. Et là, quand elle a Mehdi, elle parle des autres, il m'a raconté des trucs de ouf. Genre, elle m'aurait fait 4-5 fois les courses, mais elle ne m'a jamais fait 4-5 fois les courses. Écoute. Il y a des gens, Salman, je t'explique. Il y a des gens avec qui il n'y a pas d'arrangement possible. Parce que ah, mais Sofia, tu la connais, elle repartira toujours dans ses travers. Tout. C'est bien, Shadman. Regarde des gens, ils ont essayé de récupérer une histoire avec toi et moi qui ne leur intéressait même pas. Tu vois, après, moi, j'ai dû faire des vidéos et tout comme toi, tu as dû ressortir des vieilles vidéos. Tu vois, les trucs de con comme ça, Shadman. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Regarde l'autre babouin, là, je ne le connais même pas. Il a essayé de te récupérer, Shadman. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On rigolait bien. Toi-même, t'as vu qu'on rigolait bien, frérot. t'as même pas vu. Regarde, le babouin, il vient, reprend une affaire. Oh. Non, pas avec le babouin. Moi, Shadman, limite, toi, je te connais. Oui, mais le problème, c'est que tu seras que dans les histoires. Tu vois, moi, je te dis pas de t'embrouiller avec un tel ou un tel. Je te dis que moi, je peux pas me mettre en... Avec ce qui s'est passé hier. Regarde, Shadman. Avec ce qui s'est passé hier. Regarde, LPST m'a fait un post sans me citer. T'imagines bien que Mike va faire des lives anti-Morel. Et moi, je t'annonce ce qui va se passer. Pour l'instant, il ne me cite pas. Il a fait un long post où il ne me cite pas. Mais il dit qu'il se dédouane, machin, genre, j'ai eu des propos intolérables. Genre, c'est lui qui me dit ça alors qu'il a eu les pires propos et qu'il a été condamné par la justice. J'ai jamais été condamné par la justice, moi, tu vois, pour mes propos. Bref. Mais là, du coup, Mike, il va... Je t'annonce ce qui va se passer. Je l'ai dit à Mehdi, je dis, regarde bien ce qui va se passer. Mike, il va refaire des lives anti-Morel, où il va faire monter tous les anti-Morel. Sophia, elle va se positionner avec Mike. Obligée, elle ne va pas se dédouaner. Elle va rester avec Mike et LPST. Elle ne va pas me défendre face à un Mike et un LPST. Et LPST, il se remettra sur moi. Je t'annonce maintenant ce qui va se passer. Chalman, écoute. Écoute, je les connais mieux que toi. Je les connais depuis 7 ans. D'accord ? Je connais leur fonctionnement, Chadou, mieux que toi. Mike, il a toujours été plus ou moins contre moi. Tu vois bien que dès qu'il peut, il me titre, machin, blabla. C'est son fonctionnement depuis 7 ans. Et LPST, ne crois pas qu'LPST, il m'apprécie. Il en a rien à branler de ma gueule, LPST. Et Sophia, pareil. Et là, quand j'apprends, quand Mehdi me dit tout ce que Sophia, elle a dit dans mon dos, mais elle est ouf, elle. Moi, en ce moment, je l'appelle pour prendre, toi-même, tu sais, ses problèmes de santé, ses tumeurs, pas ses tumeurs, c'est cancéreux, pas cancéreux. Moi, je suis gentil, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, alors que Mike, il prend même pas de ses nouvelles, il en a rien à branler. Et j'apprends qu'elle dit des dégueulasseries dans mon dos. Mais où elle va dire à Mehdi, Sandrine, elle est amoureuse de toi, mais elle est cinglée. Shadman, il y en a, ils ne veulent pas prendre du recul, Shadman. C'est ça le problème. Moi, j'en prends, moi. Moi, tu vois bien que j'en prends, je m'en fous. Tu vois bien, Shadman, quand même. Moi, tu as vu, je ne prends pas les choses à cœur comme certains et compagnie. Tu vois, c'est ça que je tente de t'expliquer. Parce que tu n'es pas dans notre sphère dès le début. Moi, je te dis qu'un Mike, il ne va pas lâcher le steak. De là, LPST, il ne va pas se désolidariser de Mike. Il va rester avec Mike. Alors que Mike, il voulait que le clash à 3 jours. Et Sophia, elle restera avec eux. Et ça va repartir, moi je te le dis. Non, t'arriveras pas. Si Sophia, elle a envie de me clasher, elle te virera, elle te dira. Parce que moi, en off, elle me dit, Shadman, à chaque fois, elle me coupe la parole, ça me casse les couilles quand il monte, blablabla. Si elle a envie de me clasher et que tu montes pour lui dire arrête de clasher Sandrine, elle me clashera quand même. Elle te dégagera dans le sas, elle te dira vas-y, c'est un live anti-Morel, tu veux pas participer, casse-toi. Parce que c'est ce qui va se passer, Shadman, t'es naïf. Attends, est-ce que tu trouves normal que Mike il laisse dire à Rinka que je vais creux, que même si je crève, mes filles ne viendront pas à mon enterrement? Tu trouves ça normal, Shadow? Moi, après, demande à Mehdi. Moi, après, j'ai fait une crise derrière. Mais ma fille. Non, elle a fait une crise, ses gosses et tout, ils ont dû venir et tout, Shadman. Ça se fait pas, non, franchement, non, c'est dégueulasse. Hey, Shadman, toi, t'as personne sur le dos en ce moment. Regarde tous les gens que j'ai sur le cul, hein. Tu seras pas orienté, Mike, Shadman. Écoute ce que je te dis, Mike, il s'en bat les couilles, il est là pour se bull. Il le dit. Ben oui. Attends, c'est ce que toi, c'est ce que t'aimerais toi. Moi, je te dis, là, c'est bon, Mike, comme hier c'était chaud, il va pas ouvrir ce soir. Demain, il va ouvrir un live, il va encore titrer Mon diamant a encore fait de la merde. Tu vas voir. Donne un coup de main, Sandrine. Chadman, tu vois bien que c'est une dame, elle a pas le rage, elle se fait hagga. Ça n'arrive pas à rien avec Mike. Mike, il va te dire, je connais Mike mieux que toi. Il va dire, oh, tu veux pas la clasher? Alors descends. Tu le connais pas. Mike, quand il s'emmerde, parce qu'en ce moment il s'emmerde, il n'a pas de target, il revient sur moi, à chaque fois. C'est comme ça. C'est dans son fonctionnement. Et quand Mike va partir sur moi, LPST va suivre, et Sophia, elle va suivre. Ah bah là, ça, James, qu'est-ce que t'as avec ce James? On ne connaît même pas. Je comprends pas. Depuis le début, tu me parles de ce type. Moi, je le connais pas, Shadman. Qui? Je ne connais pas ce type, frérot. Moi. Pourquoi je dois le contrer? Je le connais pas. Shadman, c'est pas James Claquette qui est le plus sur moi. Il l'est un peu parce que en ce moment j'étais avec LPC, Mike, Sophia, qui s'est un peu mis. Mais avant que j'étais avec Mike, LPC, tout ça, il me clashait jamais le James. Là, il me clash parce que LPC est venu chez moi, j'allais chez lui, etc. Avant, il me clashait pas ce mec-là. Tu sais comment il m'a appelé, Shadman, ce type-là? J'ai éclaté de rire, j'ai vu sous un commentaire. Il m'a appelé Kingfish. J'en pouvais plus. J'étais à fond de taquiner sur les noms. Ah, il n'est pas sorti de l'auberge. Non, attends. Shadman, tu peux pas être dans le ressenti mieux que moi, mais ça fait 7 ans que je suis là-dedans. C'est pas un James et un anticon qui me dérange. C'est pas eux. Moi, c'est pas un live par semaine, c'est pas ça qui va me faire vriller. Ça n'a rien à branler. Il peut parler de moi toute la journée, toute la nuit s'il veut. Me faire toutes ses vidéos, ça n'a rien à foutre. Je le signale même pas. Rien à branler. Moi, un James, j'en ai rien à foutre, en vrai. Demain, il y aura un live anti-Morel où ils vont ressortir des propos. J'en ai rien à branler. J'écouterai pas. Je m'en tape. Rien à foutre. Il fait de la récup. Le mec, il cherche à faire des vues sur notre dos. Parce que sinon, il fait pas de vues. S'il parle pas de Morel, il parle pas d'LPSD, il fait ou de Sophia, il fait pas de vues. Donc, on s'en fout. Toi, tu le prends pour quelqu'un d'important. Ce n'est pas quelqu'un d'important, James Claquette. Le mec, il est allé jusqu'à inventer un viol d'une femme. Hein, que Radical, il avait violé une meuf, la Magali, là. Alors que c'était pas vrai. Il a été inventé que c'était le père d'une gamine, d'une femme du gilet jaune à l'époque, qui était dans le Var pour avoir des infos sur la mère. Le mec, c'est un fou. Il laisse tomber, lui. LPST, il a porté plainte contre lui. Lui, ça se réglera devant la justice. Il faut pas lui donner l'importance qu'il a pas, ce James. Vous êtes tous là, James. James, c'est l'ennemi d'LPST. Un peu le mien, mais pas trop, moi, au final, je m'en branle. Hein. Il est plus sur LPST. Lui, celui qui veut. Moi, il sait qu'il m'arrivera rien. J'ai un casier judiciaire. J'ai pas de condamnation. J'ai rien. C'est pour ça qu'il s'acharne un peu, mais pas beaucoup. Sans plus. Il va rien faire. Il sait très bien qu'il y aura rien. Puis il sait que je suis une fille de flic. Donc, moi, j'ai une certaine protection quand même, tu vois. J'avais quand même un père à la DGSI. C'est pas rien. Moi, je suis pas à la DGSI, mais mon père l'était. Donc, j'ai une certaine protection quand même, tu vois. Moi, je peux faire ce que je veux. Je peux dire toutes les merdes que je veux, il m'arrivera rien. Pourquoi il m'est arrivé, Shadman? C'est pas pour rien. D'autres à ma place, ils regardent que plus elle a été condamnée, LPST il a été condamné, là il y a Piratrax qui vient de se prendre aussi 12 mois de prison, un mec qui faisait des vidéos, et les autres ils ont tous été condamnés, sauf moi. Pourquoi ? Pose-toi la question. Non, non, il ne faut pas que... Toi, tu es trop sous influence, là, en ce moment, Sophia, LPST, Mike. Tu es trop sous influence, c'est surtout leur live, tu es trop sous influence. Non, mais moi, tu n'es pas sur mon... Je sais que Shadman, d'un côté, il sait ce qu'il fait, moi. Moi, d'un côté, je... Voilà, Shadman, je le connais depuis longtemps. C'est dommage que le babouin essaie de récupérer cette histoire, puisque moi, je ne voulais pas en parler. C'est très bien. Mais qu'est-ce que j'allais dire, Shadman, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et là, il a une mauvaise stratégie d'un côté, mais il sait ce qu'il fait. Shadman, écoute, j'y suis depuis 7 ans. Tu ne devrais pas essayer de calmer quoi que ce soit en vrai. Tu ne devrais pas te mêler. Tu vois, parce que tu vas chercher à défendre Sophia. Un jour, Sophia, tu vas monter, tu vas pas aller dans son sens, elle va te jeter comme une merde. Regarde, quand tu as refusé de faire la vidéo, là, elle t'a demandé de faire une vidéo, que tu as dit non. Tu n'as pas voulu faire la vidéo. Elle est en colère. Après, quand je l'ai eu toute seule, elle me dit, t'as vu, Shadman, il ne veut pas faire la vidéo, il n'est pas avec nous, en fait, il s'en bat les couilles, il pense à sa gueule. Je crois que... Non, mais... Shadman. Un jour, tu as passé un lien, non? Un jour, tu as passé un lien à quelqu'un et tu as demandé de ne pas passer. Non? Et ce lien-là, il s'est retrouvé sur un groupe. C'est le lien de l'article du frère qui est décédé à Yarkina. Non, mais voilà. Donc, Shadman. Nous, on est là au cœur du terrain. Moi, je ne comprends pas. Il y a certains qui jouent à des jeux dangereux. Je ne comprends pas trop, tu vois. Je sais, Chadou. Chadou, je sais. Je vois bien que tu veux prendre du recul par rapport à certains trucs. Eh bien. Dans ce cas-là, tu prends du recul, mais ne cherche pas à te positionner ni pour l'un ni pour l'autre, ça va te retomber dessus. Tu vois ? Non, mais tu verras. Ça ne demande pas si mal que ça. Hein. Si jamais ils savent que tu te reparles, moi, c'est pas moi qui vais dire que tu reparles à Mehdi. Mais s'ils savent que là, tu reparles à Mehdi, LPST va dire quoi ? On t'a défendu avec le King et maintenant tu reparles au King. Tu crois que ça va lui plaire, LPST ? Mais ça fait 15 ans que je le connais, Shadman. Et ouais. Moi, t'as vu, je demande à Mehdi. Quand j'ai eu Mehdi tout à l'heure, j'ai dit, vas-y, avec Shadman, je vais lui envoyer un message. Vous essayez de vous reparler, il n'y a rien, Marly, c'est pas grave. Et moi, j'ai même dit à Sandrine que Shadman ne me mette pas dans ses histoires. Moi, à la base, j'avais rien contre lui. Même quand Pucci l'a marqué le message et tout, moi, de base, j'avais rien contre Shadman. J'ai dit, c'est Babouin qui essaie de mettre dans les embrouilles, tu vois, de reprendre l'histoire. Mais si. Parce qu'il n'en aurait pas parlé. Écoute, Shadman, tu lui aurais dit, écoute, ça entre moi et le King et Pucci, ça ne vous regarde pas cette affaire-là. Il n'aurait pas repris ça. Moi, j'aurais laissé, j'aurais dit, écoute, ça ne vous regarde pas. Et même au pire, ça la justice à s'en occuper, ce n'est pas à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est à moi de m'occuper de cette affaire-là ? Sérieusement, Shadman. Mais ce n'est pas à moi. Shadman, je n'étais pas là. Comment c'est à moi de m'occuper de cette affaire, mon ref ? Non. Moi, je te parle par rapport, écoute, je te parle par rapport à l'affaire où tu t'es exprimé par rapport à Rifia et aux frérots de Marseille. C'est pas à moi de parler de cette affaire. On est d'accord. Mais, c'était il y a 9 ans, mon ref, mais on est d'accord que c'est pas à moi d'en parler. Voilà. Voilà. Mais moi, est-ce que moi j'ai en parlé ? Est-ce que moi j'ai en parlé ? Est-ce que moi, c'est ça que j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi j'ai manifesté avec moi en fait ? Parce que quand Pucci t'a posé la question, mon ref, quand Pucci t'a posé la question, sois honnête, il t'a posé la question, t'as bien vu. Moi, au début, je savais pas de quoi il parlait. Ça m'était sorti de la tête, tu sais. Dans la vie, t'as des choses et tout, tu vois. Et moi, quand t'avais parlé de cette histoire, comme j'ai expliqué dans les vidéos, tu vois, quand t'avais parlé de cette histoire et tout, voilà, pour moi, c'était hors catégorie. Puis il a parlé de ça. Moi, t'as bien vu, j'étais choqué. Je dis, mais non, Chatman, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, moi, je me suis dit, on me met dans une affaire en disant que moi, j'ai accusé quelqu'un, je ne sais pas quoi, parce que moi, j'étais choqué, parce que je sais qu'est-ce qu'il y avait. Parce que tu m'avais expliqué, c'est pour ça que j'étais choqué. Je me dis, c'est quoi? Tu réponds normalement, Chatman, je te connais. Je sais que tu ne réponds pas comme ça. Je sais bien, Chatman, comment tu es, tu ne vas pas répondre comme ça, tu es occupé à rigoler avec moi. Je me dis, oh, c'est quoi ce truc? Après, moi, je t'ai jamais, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je ne t'ai pas accusé. J'ai dit que tu étais là-bas, peut-être tu as vu quelque chose au Lafaja, et tu en as voulu arriver par rapport à ça. Mais moi, je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose ou que tu as participé à quelque chose. Tu comprends ou pas? Voilà, moi, j'étais comme là, je te le dis, je l'ai dit dans mes vidéos. Moi, je suis personne, je ne peux pas parler de cette affaire. Quand je dis je suis personne, je n'étais pas là, je n'ai rien vu. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas un enquêteur de police. Je ne veux pas jouer le gars pseudo-justifié de YouTube. Moi, tu as expliqué ce truc-là. Après, des années plus tard, on laisse un commentaire. Je ne sais pas, on veut me mettre dans cette histoire alors que moi, je rigolais avec toi. Et même, j'avais tourné la page avec ces trucs-là. Je t'avais pardonné par rapport au harcelage et compagnie que tu avais fait. C'est vrai ou pas? Non, mais moi, je ne me prends pas la tête avec toi, mon ref. Moi, là, je discute, justement. Je ne me prends pas la tête du tout avec toi, là. Là, je suis occupé à discuter, je ne me prends pas la tête du tout. Je me prendrais la tête, tu sais bien, quand on se prend la tête, c'est autre chose. Là, je parle avec toi. C'est pour mettre les choses à plat et t'expliquer que moi, dans cette histoire-là, ce n'est pas à moi en parler et compagnie. Si tu as même quelque chose, toi-même, à te reprocher, c'est à toi en parler à qui il faut, mais pas à moi, frérot. C'est pour ça que j'ai pas trop compris quand tu as dit « Ouais, parle-en King et tout. » Là, on est en privé, on n'est pas en live, donc je vais pas commencer à en parler de ça, faire une discussion avec toi en public pour parler ou t'humilier ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'avais parlé avec toi. Mais sinon, moi, voilà, Chatman, tu ne mets pas dans tes histoires et tout, il n'y a aucun souci, parce que j'avais l'impression que tu voulais me remettre dans tes trucs. Moi, non, moi, je suis là, je rigole. Tu veux faire une chaîne gaming, tu veux faire un truc rigolade, il n'y a pas de souci, Chatman. Mais tu connais Mehdi depuis 15 ans. S'il y a quelqu'un dont tu vois, en plus là, il t'aime bien, Mehdi, on sent bien qu'il n'y a pas de malveillance dans ce qu'il dit, tu vois. C'est lui qu'il faut que tu écoutes. LPST, tu ne le connais pas. Sophia, tu la connais pas. Tu ne les connais pas. Moi, je les connais depuis 7 ans. Je sais où ils vont t'amener, Chatman. Je les connais mieux que toi. Regarde dans quel état ils ont réussi, et ils réussissent encore au bout de 7 ans à me mettre. C'est Sophia à avoir des problèmes de santé. Moi aussi, Chatman, j'ai des problèmes de santé. C'est pas parce que je me plains pas, je t'envoie pas des messages à me plaindre tous les jours ou je me plains pas en live. C'est moi, tout ce qui concerne ma vie privée, j'évite de me plaindre en off, tu vois, ou en live. C'est pas mon truc. Moi, j'ai mes problèmes de famille ou peu importe les trucs que je peux rencontrer. J'aime pas parler de ça parce qu'après, je sais que moi, j'ai peu confiance, je l'ai dit à Mehdi tout à l'heure, j'ai confiance quasiment en personne, et je raconte pas. Mais c'est pas parce que je dis rien qu'il n'y a rien. Hier, déjà, quand j'ai ouvert, c'était pas bien, je l'ai expliqué à Mehdi. J'aurais pas dû ouvrir, déjà. À la base, j'aurais pas dû ouvrir de live du tout. C'est eux qui m'ont forcé, là. Fais un sondage. C'est Sophia qui m'a poussé. Elle me dit, vas-y, fais un sondage pour savoir s'ils veulent un live, ils veulent, machin, blabla. C'est elle qui m'a poussé à ouvrir hier. Sinon, moi, je voulais pas ouvrir. J'étais pas bien, moi, hier. Mais comme à Sophia, c'est pas ma confidente parce qu'elle répète tout. Je ne lui ai pas dit que. Elle m'a dit non, mais moi, Sandrine, je ne peux pas le faire. T'as vu, j'ai fait un live. Parce que regarde ce qu'elle me dit. J'ai fait un live, il n'y avait personne. Elle était vexée qu'à son dernier live, il n'y avait personne dans son chat. Il n'y avait que Marie, Mélie, toi, moi et LPST. Elle était vexée. Il n'y a plus personne qui va te faire. Donc elle dit, bon, nous, c'est pas toi. Toi, tu as quand même plus de tribunes que moi. Tu as plus de vues, blablabla. Bla, bla, bla. Donc toi, en fait, même quand tu n'as pas envie de faire de live, il te pousse à faire des lives. Pensez pas à faire un live. Pensez pas, voilà, le PSP vient d'ouvrir. Bon, lui, la nuit, antique. Petit live d'une heure, sujet d'actualité, pas de game. Parce que pour l'instant, je n'ai pas réagi à hier. Donc lui, le PSP, il va être en réaction de ce que je vais dire moi. Hein? Là, je n'ai pas pris le micro encore. Non, pas là, si tu comprends pas. Je te dis, moi, déjà, au moins comme ça tu reparles à midi, c'est bien. Moi, je te dis ce qui va se passer. Je te le dis, je te l'annonce. Mais là, c'est LPST qui fait un live. C'est pas lui qui va lancer les hostilités, c'est Mike. Mike va lancer les hostilités. Sophia, elle va suivre Mike. Justement. Avec Mehdi, tout à l'heure, on en discutait. T'as dit quoi, Chadman? Je sais bien, je comprends avec ton chat et tout, ça ne doit pas être évident. Je sais pas, Chadman, je sais pas. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Bon, voilà. Voilà, toi, t'as pas d'idée. Nous, on a une idée avec Mehdi de ce qu'on pourrait faire. Oui, non, mais ça, si tu penses que ça va revenir bien avec Mehdi, LPST, Mike, Sophia, moi je te dis non. Non, c'est pas possible, frérot, il y a des gens, c'est pas possible. T'as vu? Non, ils sont dans trop d'histoires. Il y a des gens, ils sont dans trop d'histoires. Chadman, toi, limite, ça fait 15 ans. T'as vu, il y a eu un truc, tu t'étais excusé, bref, t'as vu, on a eu une certaine période entre nous, et après, j'ai vu que tu voulais me ramener dans des trucs, donc c'est pour ça que j'ai mis un stop. Maintenant, je peux discuter maintenant, tu vois, et voilà, je t'ai expliqué, j'ai mis les choses à plat, même si tu voudrais un jour discuter avec Pucci ou quoi, il n'y a pas de souci. Maintenant, avec d'autres, Chadman, moi, je peux pas créer des infinités avec des gens avec qui il n'y en a pas, c'est pas possible. Ok, t'as déçu, quoi. Oh. Ok. Mon tampon est parti là, et cette personne-là, il n'arrivait pas à l'attendre. Mais du coup, il m'a enfoncé dans le dos. Attends, continue à parler, j'ai muté. Je vais basculer sur l'ordinateur, comme ça, je vais muter. Elle est en train de m'expliquer un truc, un film. Ouais, il n'y a rien de transcendant, t'inquiète. C'est juste qu'elle a eu un truc, elle est allée à l'hôpital cet après-midi. Parce que t'as vu, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non, mais surtout, je suis allée ce à soir, il va y avoir tous les rescapés, tous les alcooliques. Non, mais surtout, je suis allée à l'HPP, c'est à privé. Ah, t'es allée en privé? Ah ouais, mais sa mère. Tu parles avec qui, là, Sandrine? Je suis arrivée. 13h. Ouais, je mute, ouais. Attends. Comment on fait pour muter le micro là-dessus sur. Ah ouais, c'est bon, j'ai tout ton micro. Ouais. Ouais, que ça raconte, Chadman. Ouais, l'isobétadine, t'as dit l'isobétadine. Ouais, mais téléphone, il y en a, ils viennent, Chadman, chez toi. Tu veux que je regarde où t'habites les vétérinaires et que je t'envoie les adresses? Hein? Non, mais c'est pas donné, c'est pas pour les animaux, c'est pas donné à chaque main. Et après, on les aime bien, nos animaux, donc on met le prix. Hein. Non, pas arranger avec les gens que ça va pas, Chadman. Nous, on est des anciens. Tu te rappelles une fois quand tu m'avais eu il y a des années, t'avais dit, on est des genres de stars, les gars. Tu te rappelles ou pas? Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est les anciens, ça. Ouais, mais ça, c'est les anciens. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais avec d'autres, moi, il y en a, tu verras, Chatman. Moi, je suis comme ça. Il y en a, je ne serais pas m'arranger avec certains. Avec d'autres, peut-être oui, mais d'autres, non. Regarde, t'as vu, je suis venu, j'ai pas parlé de la SBAM aussi ou ça, alors que tu sais bien, à l'époque, je parlais d'eux. Tu vois, donc, moi, tu vois bien que je suis pas là dans les embrouilles, non. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui essayent là de reprendre des affaires qu'ils ne connaissent pas, j'aime pas ça, Chatman, ça. J'en ai pas reparlé, moi. Moi, j'étais en live, j'étais choqué. Moi, j'en ai pas reparlé. C'est qui en a parlé? C'est Pucci qui avait laissé le message. Moi, j'en ai pas parlé. Et après, toi, tu es parti sur le live de l'autre. Il a essayé de se resservir de l'affaire au lieu de dire tout simplement, non, moi, je connais pas. Moi, ça vous regarde pas. C'est entre moi, Pucci et le King. Ça vous regarde pas. Moi, j'en aurais pas parlé, mais tu es monté sur son live. Et tu as dit, ouais, non, s'il parle de Chatman, je sais pas quoi, je me suis dit, pourquoi il monte? Il veut que je lui réponde, en fait. Il veut que je réponde au babouin. Non, c'est pas Corsair, c'était pas Corsair, c'était l'autre, c'était sur le live du Babouin. C'est pas Corsair. À moins que Corsair, moi je t'ai dit, j'ai pas suivi tous les trucs. Moi, on m'envoie une partie où c'était le Babouin qui parlait. Ouais, non, si tu parles de Chadou, je sais pas quoi, nanana, comme s'il te connaissait depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais que ce soit ton avis, j'en ai rien à foutre. Il a pas à se prendre, à se servir d'une affaire qu'il ne connaît pas. Il était là quand on a parlé. Non, non, non, moi, j'ai pas ramené ça. Pucci, il est venu, il en a parlé sur le live. Moi, je savais pas, moi, j'ai rien ramené du tout. Moi, après, je t'ai même choqué. Je voulais même pas en parler, je voulais même pas en parler en public. Je t'ai dit, tu veux, on vient en privé, t'as dit non, on reste en public et tout, Chatman. Donc, non, non. Moi, j'en ai pas parlé. Si j'aurais voulu en parler, tu sais très bien comment j'en aurais parlé. Donc, j'en ai pas parlé du tout. Justement, je voulais justement pas parler de cette affaire-là, ça ne me regarde pas. Voilà, tu comprends? Mais moi, je voulais pas parler de ce truc-là. Tu as bien vu que quand tu es monté, je t'ai dit, viens, on passe en privé, si tu veux, on parle avec Pucci. Tu as dit, non, on reste en public, non, non, non. Après, même que tu es descendu, je voulais plus te refaire monter pour pas parler de cette affaire. J'étais choqué, je voulais même arrêter ma chaîne. Je me suis dit, oui, Chalman parle avec lui, fait un truc comme ça. T'as tué, quoi. Alors écoute, ce matin, Sophia, moi, elle m'a envoyé un message pour me dire. Alors que moi, elle m'a dit qu'à cause de ses problèmes de santé, elle ne faisait pas le ramadan. Là, ce matin, vu les tensions, je pense, puis elle a vu le message, tu as vu LPST, elle a fait un long post, même s'il ne me cite pas, on a compris pourquoi. Elle m'a juste envoyé un message, je vais chez ma soeur pour le ramadan, machin. Elle ne le fait pas le ramadan avec ses problèmes de santé. Donc, il faut savoir, quoi. Tu vois, arrête de. J'ai compris que c'est parce qu'elle ne voulait pas appeler, parce que là, à tous les coups, elle m'a le crossi qui l'a appelé, qui lui a dit arrête de parler à Sandrine, ça va repartir en clash. Ça y est, ils se sont déjà parlé en off, tu crois quoi? Regarde, là, je te dis que LPST, là, LPST, il a ouvert un live, genre un sujet, ils sont en train de parler de la manif, là, du petit Quentin, là. Mais lui, il va pas relancer les hostilités, mais c'est Mike qui va relancer les hostilités. Et LPST, il finira par se positionner avec Mike, et Sofia, elle se positionnera avec Mike. Je t'annonce ce qui va se passer, je les connais mieux que toi, Shadow. Là, je n'ai pas encore ouvert de live, mais je l'ai dit à Mehdi, tu vas voir, il va se passer ça. Donc forcément, à ça, il y aura une réaction. Parce que moi, je ne suis pas une serpillière non plus, tu vois. Ce n'est pas parce qu'hier, je n'étais pas bien que je vais me laisser. Et puis ça suffit, j'en ai marre de me faire humilier. Chalman, moi, j'ai des vidéos partout. J'ai des posts partout. C'est ce que je disais à Mehdi, à un moment donné, c'est trop. Quand j'ai des. Respecte Sandrine, la grande sœur. Mais tu sais qui c'est cette chaîne? C'est comment elle s'appelle? C'est Marine Ultramarine. Mais qu'est-ce qu'elle met là? Elle a mis quoi là? Oui, parce qu'ils vont faire croire que j'ai parlé des filles de Rimka, alors que c'est lui qui a titré un live sur ma fille. S'il n'avait pas ouvert un live en titrant ma fille, je n'aurais pas parlé de ses enfants. Hein. Non, mais on les connaît, cette équipe, on sait comment ils fonctionnent. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a des pages beaucoup plus dégueulasses que James Clatet. Ils font de la On ira se vérifier, Shadman. Signal avec le Raspberry. Mais moi, je la signale même pas. Soi-disant, Sophia a dit qu'elle avait été portée plainte contre James Claquette et contre elle, là. Marine Ultramarine. Et je lui dis, si tu as porté plainte contre James Claquette et contre Marine Ultramarine, il faut que tu la transfères à LPST. Parce que le dossier, c'est lui qui a fait une plainte contre James Claquette. C'est lui qui a tous les dossiers. Elle me dit, ouais, je vais le faire. Mais elle ne l'a pas fait. C'est qu'elle n'a pas porté plainte. Faut pas. En fait, toi, tu es naïf, Shadman. Tu crois tout ce que Sophie a fait. Ouais, c'est pour ça. Fais attention parce que Sophia, elle est vicieuse. Elle est beaucoup plus vicieuse que ce que tu crois. Ne pense pas que Sophia, elle t'aime bien et qu'elle, c'est quelqu'un de bienveillante. Ça ne l'est pas. Mike Rossi non plus, et LPST non plus. Je les connais, c'est des sbeuleurs. Là, LPST, c'est genre, aujourd'hui, je fais un petit live d'une heure. Je parle de l'histoire de Quentin parce que ben, c'est le LFI, hein, forcément. Hein. C'est le LFI qui a attaqué pour cheminot. Donc, ben, on va parler de ça parce qu'il y a une manifestation à Lyon. Pour ce petit qui est de 23 ans qui a été buté, quoi, tu vois. Donc, il va parler de ça, forcément, parce que c'est le LFI. Les trois du LFI sont en détention provisoire. Ben, voilà, c'est des gens du LFI qui ont tué un petit jeune de 23 ans. Hein. C'est juste la vérité. Hein. LPST pourra faire tous les lives qu'il veut. Donc, là, chez LPST, tu as tous les pros. En fait, tu as tous les extrêmes gauches. Stéphanie Borde, elle est extrême gauche. Tu as tous les extrêmes gauches chez LPST. Ben ouais. Donc faut faire attention aussi, Shalman, parce que ces gens-là, ils sont dans les extrêmes. Ils sont politisés, toute cette équipe-là. Ils sont tous LFI. Garde la LPST, il incite les gens. Il a fait un post tout à l'heure, il incite les gens à voter LFI. Tu n'as pas à inciter qui que ce soit. C'est personnel un vote. Tu vois? Quand tu es dans l'urne, tu es tout seul. T'as pas à inciter les gens à voter pour qui que ce soit en vrai. Tu comprends? Et Mike et Sophia, ils votent pour qui? Est-ce qu'ils votent ensemble? Mike, est-ce que Sophia t'a dit à toi, Shanman, qu'elle avait couché avec Mike? Shadman, t'enregistres nos conversations quand t'es en privé, dis la vérité. Ah, parce que si tu aurais enregistré une conversation où on était plusieurs et tu étais là, tu t'étais endormi cette fois-là, eh ben tu aurais eu ta réponse. J'ai pas dit que tu vas foutre le bordel. Je t'ai expliqué un truc. Si tu as enregistré la conversation qu'on a eue, une fois on était plusieurs, tu étais là et on discutait et tu aurais eu ta réponse, c'est tout. Réécoute les enregistrements. Mais toi, ça ne te dérange pas qu'elle se fasse butiner par Mike alors? Mais attends, mais si elle se fait butiner par Mike, Shotman, ça te dérangerait quand même un petit peu. Toi, t'es un peu en kiff sur Sophia. Mais si maintenant je te dis qu'elle s'est fait butiner par Mike. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Moi, je l'ai dit. C'est moi qui vais parler de ça, Sandman. Mais qui va parler d'histoire? Nous, on est là pour pas parler d'histoire. On est là pour rigoler avec Sandrine, nous. Nous, on s'en va les couilles. Nous, on est du sud, on veut rigoler un peu. On est du Méditerranée, hein. Voilà. Je sens qu'avec Sandrine, ça va être une grande page. On va bien rigoler. Ouais. Parce que tu sais ce qu'on va faire avec le King, Chadou. On va ouvrir un live, puisque Sophia, elle était dire à Mehdi que j'étais amoureuse de lui. Donc, j'ai appris aujourd'hui que j'étais amoureuse de Mehdi, c'est Sophia qui l'a dit. Donc, comme Sophia, c'est parole d'évangile, là, j'attends le live de Mike. J'ai dit à Mehdi, viens, on attend le live de Mike, on attend qu'ils attaquent. Je ne vais pas attaquer la première. On attend qu'ils attaquent. Et il compte du coup, parce que c'est ce qui va se faire, hein, Mike, là, il ne va pas ouvrir aujourd'hui, parce que c'est encore frais, mais demain, il va ouvrir. Et là, il y aura un live réponse où je vais dire, je vais vous annoncer que, en fait, oui, j'ai un mec dans cette sphère, et je vais faire croire que c'est Mehdi. Je vais faire croire aux gens que, en fait, on a fait un faux clash avec Mehdi pour que les gens ils pensent qu'on est en clash et machin et blabla, mais qu'en fait, on était déjà en privé, qu'on s'est toujours parlé, et blablabla, blablabla. Je vais leur en faire des caisses. On va rentrer dans leurs mensonges. Et qui a dit que j'étais amoureuse de Mehdi à Mehdi? Sophia. C'est personne d'autre qui a dit ça à Mehdi. Salman, prépare les enregistrements et les pop-corn. Ça va être une série, Chatman, ça va être une série, prépare, la série est de retour. Je ne sais pas. Écoute, tu vas être Chatman, en plein clip, Chatman, ça va te détendre. Je ne vais pas attaquer Sophia la première. Là, j'attends. Mais comme Mike va m'attaquer, va me faire un live demain, Sophia, elle va se positionner, elle ne va pas me défendre. Pourquoi? Parce que Mike a butiné Sophia. Non. Ouais, mais le problème, mais regarde, Sadman, même si tu n'es pas en accord avec Mike, c'est un profil un peu que je peux voir le profil. Il ne va pas être d'accord avec toi, il va t'insulter, il va te faire descendre. Mais si, il va te dire. Mike, si tu montes et que tu ne veux pas me clasher, il va te dire, c'est un live anti-Morel. Tu ne veux pas la clasher? Casse-toi. Ben, tu verras. Tu ne le connais pas. Chadman, c'est dit, reprépare les enregistrements, tu vas rire. Chadman, il va se mettre bien. Chadman, il y a des nouveaux épisodes, là. C'est pas ce que tu voulais. Ça va être équilibre. Ça va être équilibré. Comme Sophia s'est fait butiner. Mais qu'est-ce? Mais non, c'est parce que toi, Sadman, là, ça va être rigolade. Attends, Sadman, c'est un autre truc, nous. Sadman, laisse-moi faire, c'est tactile. Mais si, Sadman, mais si. On va s'arranger justement avec Sandrine. Hassan aussi va venir, t'inquiète. Ça va être top. Salman, il ne veut pas d'embrouille. Non, mais Salman, c'est bien. Ne sois pas dans les embrouilles, c'est très très bien. Observe. Mais on te demande pas de. On te demande pas de. Observe. Voilà. Laisse faire les pros. Non. Il y a moyen que tu me passes des rames de raspberry, que tu montes des tutos de raspberry, ça ouais, mais que ça s'arrange, je sais pas. Non. On va rire, nous. Avec Sandrine, on veut rire maintenant. Hein, Sandrine? Chaman, il veut pas de ce bol. Voilà. Non, ça va être le zbeul. C'est moi-même au platine avec Sandrine. C'est moi-même au platine avec Sandrine. Et bientôt, je vais à Aix. Enfin, je vais aller voir le frérot à Marseille. Et je passerai par Aix dire bonjour à Sandrine. Voilà, on vous fera un live. Ah, un beau live avec un beau verre de blanc. Et là, comme allez, on Voilà. est. Moi, je bois pas, mais allez, une petite bière ou quoi? Une petite bière belge au bord de la playa Voilà. avec le soleil, pourquoi pas? Voilà. Ah là, ça va faire un beau live, non? Et ouais, ça va faire un bon live là. Ah là, ça va être quelque chose, hein? Avec. Ah, ça va être propre, ça va être peu pro, ça. En direct avec Sandrine. En direct d'Aix. Voilà. On va faire un live. Chalman, Exactement. Et Sandrine, elle a dit qu'elle avait une nièce qui avait mon âge, elle allait me la présenter. Hey, t'as vu en plus? T'as vu en plus, Chanoine? Hein? Ah. il a peur, il a peur. Oui, il est distrait parce que là, il lit le chat de LPST. Sandrine de la direct repérée. Ouais. Mais ouais, t'as vu? Il est en train. Il est en train d'écrire sur le live de LPST. Mais on va pas le dire. Comme ça, tu n'es pas au courant. Il ne faut pas que tu dises à Sofia qu'on a fait un groupe et qu'on a un groupe avec Mehdi. Voilà, pote. Occupe-toi de ton chat, fais ta BD, concentre-toi sur toi. Ne troll pas les gens. Efface aussi les vieilles vidéos que tu as sur les gens au lieu de faire le rancunier. Fais-moi une photo, montre-moi. Non, mais fais-la. Là, ton chat, il est à côté de toi. Monte ton chat pour voir que c'est là. Oh, mais il y avait du pus qui sortait ou c'est juste du sang? Un kiss. Ouais, on dirait que c'est un kyste ou quoi? Un Mais franchement, Chadman appelle ouais, d'urgence. Je ne sais pas si tu sais les appeler, mais si tu vois que c'est trop, va dans des centres d'urgence. Hein. Tu vois, si tu vois que le chat il se sent pas bien, il mange plus et compagnie, va direct dans un centre d'urgence, Chadman. Hein. ouais. Après, Chadman, t'es pas vétérinaire, hein. Faut l'amener chez un vétérinaire, hein. Ouais, mais t'as pas le choix, frérot. T'as pas le choix quand c'est comme ça, ton chat, tu vas pas le laisser mourir quand même. Tu vois, si tu vois que ça va, si tu vois que ça va pas, que ça continue à fort saigner et compagnie, il faut aller voir, hein. Il mange encore le chat. Mais il y a des trucs gratuits. Des consultations. Faut que tu cherches les trucs. Ça existe, les vétérinaires. Ouais, mais tu peux pas le laisser comme ça, hein. Parce que s'il y a un kyste et que c'est cancéreux, il faut que le vétérinaire il fasse une analyse. Il faut qu'il lui fasse une prise de sang et une analyse du kyste, Shadman. Après, ça fait mal au cœur. Tu lui donnes quoi à manger? Il a quel âge ton chat? Ah ouais. Je te comprends. T'inquiète, y a pas de zbeul sur la page d'LPST, il parle de la manifestation du gamin là. Non, mais ils parlent de cette histoire, eux, c'est des. Ils sont extrême gauche, eux. Donc là, ils vont aller dire que c'est bien fait pour ce gamin. Je suis désolée, un gamin de 23 ans, il ne mérite pas de mourir. Pas que tu te. Tu sais, ils sont beaucoup politisés, Chalman. Je connais LPST, toute la clique, là. Faut pas que tu te laisses embarquer dans leur délire. Parce que, tu sais, LPST, là où il faut que tu fasses attention, c'est qu'il est surveillé par la police, hein. Donc, fais attention, hein. Moi, je ne vais jamais sur ces lives, même avant que je me clash avec lui. Enfin, je ne me suis pas encore clash avec lui, mais je sais que ça va. Mais je ne participe pas à ces propagandes. Quand tu vois qu'il demande aux gens de voter LFI, il n'a pas à demander à qui que ce soit de voter quoi que ce soit, tu vois. Chacun est libre de voter ce qu'il veut, Salman. C'est personnel le vote, en vrai, tu vois. Faut pas tomber non plus dans le Et toi, délire. Shadman, tu reparles à Rico, Shadman? Oui? Allez. Parce que j'ai vu, il a fait une vidéo sur toi. Il a fait une vidéo il y a quelque temps, où est-ce qu'il te dénigre? Ouais, avec une photo de toi mal faite en plus. Ouais. là, je me suis dit, Chatman parle avec Nico. Ah, moi, je l'ai bloqué, ce mongol. Ouais, c'est tombé, c'était un trou du cul. Qu'est-ce que tu veux répondre à ce type-là? Il mange sa mère tout le temps, tu vois, il raconte des conneries, il est jaloux des gens. Il cherche juste des vues, lui. Voilà, mais il cherche des vues, mais en parlant de n'importe quoi, n'importe qui, tu vois. Il pense que c'est comme ça que ça marche. C'est un jeune de 23 ans qui s'est fait buter par des gens de l'extrême gauche. Le babouin tapou pour LFI. Moi, je l'appelle le babouin. Il a vraiment une tête sur le PST, on voit que c'est un winner. Merci, merci, merci. Merci, tu le sais. C'est pas bon, quoi. Moi, moi, je le sais de moi. C'est pas bon. Non, moi, non, franchement, j'ai entendu des propos de ce type où est-ce qu'il gueulait sur sa go, il disait des trucs de ouf, en hurlant, en parlant de gosse et tout. Il est mal positionné pour faire la leçon de morale aux gens. Ah, Chatman, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, c'est lui qui se mêle de toutes les choses. Regarde là, il se passe un truc, il en parle. Il tapine pour le LFI. Faudrait peut-être demander à Sorel ce qu'il en pense de toute cette affaire du système. Mais LPST, il est LFI, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il a encore fait un poste à tout à l'heure en incitant les gens à voter LFI. Il tapine pour le LFI. Et t'es pro quoi, toi, Chatman? T'es pro quoi? Ah, toi aussi, t'es NFI, mais non. Tu tapines pour le rouquin. Il y a un rouquin chez NFI, tu vois c'est lequel? C'est des gens, c'est de la récupération qu'ils font. Et ouais. Ouais. Chatman, il a peur. Le king. Sandrine a les ovaires. Sandrine a les ovaires. Ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas dans ces histoires-là de tapiner pour telle ou telle partie. Et tu le sais bien. Tu le sais, Chatman, depuis des années qu'on tapine pas pour les partis politiques. Ok. Toi, tu t'es LSI parce que le PSG est LSI ou quoi? Est-ce que tu penses que Sophia et comment elle s'appelle Mike, ils vont aller ensemble voter? Ah, t'as le kéfir palestinien, donc t'es pro-palestinien. Là, il faut avoir un comportement propre pour des causes nobles. Bon, de toute façon, tu t'occupes de rien. Avec Mehdi, on s'occupe de tout. Voilà, on va s'occuper de tout. Avec Mehdi, on s'occupe de tout. Voilà, comme ça au moins, tu n'étais pas au milieu. Hein? Tu fais comme ça. Eh bien, laisse avec Mehdi, on va faire. De toute façon, on fait comme ça, Mehdi. Moi, j'attends là, la réaction de... Parce que pour l'attaquer, il faut que je sois, pour répondre, il faut que je sois, pour Mike, il fasse son live. Dès que Rossi a fait son live, on se capte Mehdi et on voit ce qu'on fait. Arrangez-vous quoi? Et alors, c'est de ma faute? Gros soutien Sandrine! Gros soutien Sandrine! C'est pas juste parce que c'est pas moi qui les ai attaqués. C'est pas moi qui les ai attaqués, c'est eux qui m'ont attaqué. Ils ont attaqué mes enfants. Et tu crois que je vais rester sans rien dire? Mais tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour une dame? Toi, elle est venue me provoquer comme une merde. Je vais dédiaboliser Sandrine. T'es plus en protection de Sophia, LPST et Mike, toi. Oui. C'est ça. Et j'ai l'impression que Sophia te prend pour ton sac à main. De quoi, Mehdi, là, quoi? De quoi? Oh, mais c'est qui les ennemis? De qui tu parles? Mais je les connais pas! Mais pourquoi? Sois franc, explique-moi, dis-moi pourquoi depuis le début tu me parles de ce mec, pourquoi? Mais moi, LPST, pourquoi je vais défendre LPST? LPST, il m'insulte, pourquoi je vais le défendre? Chatman, bordel, Chatman, bordel, Chatman! Mais c'est lui qui reprend ça, je ne le connais pas! Le babouin! Non, pas possible, lui c'est pas possible, lui je t'ai dit, j'ai entendu des propos de lui, je vais pas nécessairement parler jour et nuit de lui, mais c'est pas possible de m'arranger avec un type pareil, c'est pas possible, je t'ai dit, c'est pas possible. Il est un peu trop dans les histoires, ce garçon. C'est mon impression. Lui et Mike, ce duo-là, c'est que des histoires. Ah, moi, ça va pas être la purge, ça va être le nettoyage. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce GG le consanguin, qu'il calcule, lui? C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il calcule, celui-là? T'as dit quoi? Mais il va rien voir du tout, vous racontez n'importe quoi. Mais c'est des gens qui ont répondu, qui ont nourri les trolls. Mais oh, t'es un peu touchant, en fait, Shanman. Hein? Ben si, qu'est-ce que t'as peur? T'as peur de la purge de quoi? Il va purger quoi? À part ses cabinets, il va pas purger grand-chose. Hein? Lui-même, il a fait pire que la purge, Shanman, tout seul. Il a fait mille fois pire que la purge. Il me parle de ça? Non, Shanman, pas à moi, quand même. Pas à moi. Pas à moi, Shanman. Mais je ne connais pas, James, ma gueule. Si toi, à mon avis, Shadman, tu as envie de me dire quelque chose, mais tu te retiens. Alors, soit tu me dis les choses franchement, mais non, tu n'as rien dit. Tu me parles de quelqu'un que je ne connais pas, Shadman. Si on parle des conflits. Tu as envie que le King, il clash James Claquette, parce que ça va aller dans le sens de Sophia, de LPST, et si, ben si. Demande à Mehdi si moi je lui ai demandé un coup de main pour m'aider à clasher James Claquette, d'ailleurs, pour m'aider à clasher personne, d'ailleurs. Je n'ai rien demandé. Je suis assez grande pour le faire, mais je n'en ai rien à foutre, moi, de James Claquette. Bah ouais. Parce qu'en fait, je travaille pour LPST en clashant James Claquette. Moi, je ne suis pas l'avocate de LPST. Hein. LPST, ce n'est pas mon avocat. Hein. Regarde, LPST, hier, il était où? Il était chez Mike. Hein. Il est venu chez moi quand Mike a fermé. Alors que Mike, il y a 3 jours, il voulait qu'on clash LPST. Toi, tu n'as pas... Toi, t'as pas entendu, à mon avis, les audios quand Mike était en rixe avec LPST et qu'il insultait LPST, sa sœur, etc. Ah, moi, je les ai entendus, c'était magnifique. Le babouin était castré. C'était un babouin femelle castré. Si, si, il a une tête de babouin. Si, si, j'ai même un babouin plus beau que lui. C'est vraiment le lait babouin entre un babouin et un crapaud. Le crapouin. C'est toi qui le dis, ça. C'est toi qui le dis. Mais toi, tu as les nerfs sur James Claquette pour une raison, tu ne veux pas me le dire, tu vois? Mais toi, je sais qu'un. Mais, Shanman, ce que tu comprends pas, et tu verras, quand ça sera ton heure, si un jour LPST, il décide de te clasher pour quelque chose parce que tu vas parler, tu vas vouloir défendre quelqu'un qu'il n'aime pas, et LPST n'hésitera pas un instant à te ratatiner ta gueule par terre. Regarde-moi ce qu'il a fait hier. Alors que à la base, je dénonce le fait que Mike voulait que je clash LPST, que je n'ai pas voulu. J'ai dit non, mais moi, il ne m'attaque pas, pourquoi je vais l'attaquer? C'est parti de là, le truc, que Mike il dit pourquoi tu balances, pourquoi tu le dis, machin. Je dis parce que c'est pas censé être ton frérot. Tu me demandes à moi, Sandrine, de clasher LPST parce que tu n'as pas les couilles de le faire. C'est là que c'est parti l'histoire. C'est là qu'il est parti le problème. Il a fini par avouer que c'était vrai, qu'il m'avait dit ça, qu'il m'avait demandé ça. Mais au final, LPST, il était où? Ben, il était chez Mike. Donc, ça veut dire que ce truc-là, c'était prémédité en off entre Mike et LVST parce qu'ils veulent qu'on reparte en clash. C'est ça que tu comprends pas, Shadman. Eh, mais je connais leur fonctionnement mieux que toi. Je les connais depuis plus longtemps. Ça fait 7 ans, Shadman, que je les pratique. Tu vas pas m'expliquer qui est LPST, qui est Mike Rossi, quand même. Et encore moins Sophia. Ah, toi, t'es pas au courant. Moi, je suis au courant de trucs que t'es pas au courant. Moi, pour moi, hier, ils m'ont quand même amené dans un traquenard. Et regarde, tu vois, si ma fille aînée, elle est là ce soir, c'est parce qu'hier, elles ont eu peur. Et du coup, elle était là, elle reste avec moi. Regarde, mon autre fille, elle est à Toulon. Du coup, la grande, elle est là pour pas que je sois toute seule. Donc, Shadman, je vais pas tout le temps mettre ma santé en avant, à me mettre dans des états, parce que c'est ce qu'ils veulent, que je me mette dans des états pas possibles de ouf. C'est laquelle qui va se marier, Sandrine? C'est celle qui est avec toi ou celle qui est à Toulon? Hein? C'est laquelle qui va se marier, Sandrine, de tes filles? C'est celle qui est avec toi là ou celle qui est à Toulon? Non, c'est l'autre, celle qui est à Toulon. Elle est dans ses familles, là, d'ailleurs. C'est la petite, c'est celle qui a 21 ans qui va se marier. Loin de ça, hein. Justine, elle a dit, moi, je suis loin de ça, elle a dit, elle. Hein, ça? Elle profite de la vie. Elle, c'est une... Elle, en fait, elle est comme moi, elle. Elle est carriériste, tu vois. Elle, c'est son boulot d'abord. Là, OK. Et donc, elle, c'est son boulot. Là, elle déménage à la fin du mois. Elle s'est trouvé un truc juste à côté, en plus, à 3 minutes de son boulot. Elle, c'est d'abord son boulot. Et après, s'il y a les histoires de cœur, c'est bien. S'il n'y a pas, elle s'en fout. Que Manon, elle est dans une... C'est l'opposé de sa sœur. Manon, elle veut se poser, se marier, faire des enfants, tu vois. Rien à voir. Okay. Elles sont toutes deux différentes. Et là, Justine, elle a déjà son appart. Là, elle est là parce que voilà. Mais là, elle va déménager. Ça fait 4 ans qu'elle est autonome, elle, déjà. C'est la petite. Et la petite, elle va partir bientôt aussi, là. Je vais me retrouver toute seule, Mehdi. Et je vais faire le... On m'a dit que j'allais faire le syndrome du nid vide. Ouais, mais c'est vrai que ça fait bizarre hein, quand t'es seule après, Sandrine. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Si, si, non, mais ça, par contre, j'y crois. Parce que j'ai tellement... En fait, tu vois, je me suis occupée de mon père. Quand il a eu ses problèmes de santé, jusqu'à temps qu'il décède, je me suis occupée de mon père. Avant mon père, je m'occupais de mes deux grands-mères. Après, je me suis occupée de... mon mari, ça allait. Après mon mari, bon, mon mari est décédé parce que moi, j'étais veuve à 24 ans. Mon mari est décédé après, un an et demi après, j'ai rencontré le père des filles. Après, je me suis occupée du père des filles. Donc, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Tu vois ? Et là, ça a été ma mère dernièrement avant qu'elle soit placée. Et là, quand maintenant, elle va partir, là, je pense que je vais avoir une période un peu compliquée où je ne vais plus me sentir utile, même si après, je vais être grand-mère, tout ça, c'est autre chose, tu vois. Mais je ne vais plus me sentir utile, en vrai. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Non, mais peut-être qu'au début, Shadman, j'irai, ah, putain, ça y est, je suis tranquille, je suis toute seule. Ça va être au début. Mais après, tu sais, moi, Manon, Justine, elle est là, elle le sait, c'est sa sœur. Manon, elle prend beaucoup de place. Manon, c'est un petit boucan comme moi, elle, tu vois. C'est une bonne vivante, elle arrive. Ça va, mamounette, elle t'attrape par le cou, elle te fait un bisou. En fait, elle a une place dans cette maison de ouf, tu vois. Quand le soir, elle ne va plus rentrer, je ne vais plus l'entendre rentrer le soir. Le matin, elle se lève, elle dit « Allez, mamounette, on boit le café ensemble, machin. » Après, elle part bosser la journée, tu vois. C'est sûr que quand elle va partir, ça va faire un vide, tu vois. Obligé. Oui, mais ce n'est pas pareil, vous. Vous êtes dans mon ordi. On se fait doux. Mais on est là, nous. Regarde, hier, quand il s'est passé ce qui s'est passé, bon, ça va qu'il y avait mes filles. Donc, du coup, je n'ai pas eu besoin d'appeler qui que ce soit. Mais bon, Hassan, il voulait que je l'appelle. Moon, ma modératrice, elle voulait que je l'appelle aussi. Sophia, elle voulait que je l'appelle. Hier, je n'avais pas envie de parler à des gens de YouTube, Shadman, avec ce qui s'était passé. J'étais énervée après tout le monde. Et ce n'était certainement pas quand je suis dans cet état-là. Je n'ai pas envie de parler à des gens que je sais très bien que demain, ils peuvent me mettre un couteau dans le dos. Shadman, c'est arrivé plein de fois. Regarde, il y a un moment. Chatman, ça, ça veut dire qu'il va mettre un halal. J'ai confiance. J'ai confiance. Eh, Chatman, regarde. Regarde, il y a une période là où, quand ils étaient trop nombreux sur mon dos, plutôt, j'ai dit avant que je devienne vraiment folle avec ces tarés, pendant un mois, je n'ai pas fait de live. Eh bien, malgré que je n'ai pas fait de live, Mike, il faisait des lives tous les jours. Le diamant en PLS. En fait, il faisait tout pour me provoquer. Eh, on a mis diamant en PLS, on a mis diamant en PLS. Ben, ils ont tout fait pour que je revienne, tout. Et pendant un mois, j'ai tenu, je n'ai pas fait de live. Mais ne crois pas que Mike, c'est quelqu'un de bienveillant avec moi. Détrompe-toi. Tout comme il n'est pas bienveillant avec Sophia. Mike, il n'en a rien à foutre de tout le monde. Il s'en bat les reins. Ce n'est pas ce qu'il m'a fait avant-hier. Il m'appelle. Justement là, quand il voulait que je clash LPST, machin, je me dis, va te faire enculer, toi, t'es un ouf. Bref, je lui réponds, machin. Et Sophia, elle m'appelle en même temps. Donc, je dis, attends, je fusionne l'appel à trois, là. Sophia, elle arrive dans la conversation, même pas lui demande si ça va, tout ça. Alors, qui sait qu'elle est en plein examen de santé, là, qu'elle a peut-être une tumeur, pas une tumeur, machin, je sais pas quoi, enfin, bref. Il lui demande même pas si ça va, comment elle va. Il dit, bon, allez, c'est bon, je vous laisse entre filles, moi, je vais me faire à manger. Ouais, il en avait rien à branler de Sophia. Du coup, il est parti de la conversation. Sophia me dit, il est sérieux, Sandrine? Même pas, il m'a demandé si j'allais bien. Tiens, parce que toi, t'en as encore à croire, ma cocotte, que Mike Rossi, il en a quelque chose à foutre de ta gueule. Mais t'es naïf, toi. Mike Rossi s'en bat les couilles de ta gueule, Sophia. Quand moi, j'ai dit à Mike que tu avais peut-être une suspicion de cancer, là, qu'ils ont fait une analyse, de, que tu as fait une, l'examen là, qu'elle a fait, là, ils ont ponctionné pour voir si la tumeur, elle était cancéreuse ou pas, si elle était maligne ou bénigne, je sais pas quoi, enfin bref, une biopsie, voilà. Eh ben, Mike, il me dit, et alors qu'est-ce que ça me fout? Il s'en bat les couilles. Demain, Sophia, elle annonce qu'elle a un cancer au sein, machin, et on sait ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire ablation du sein, etc. Hein. Donc, ça va être lourd après les conséquences sur le sein. Mike, il s'en bat les couilles. Donc, toi, quand tu as annoncé ça à Mike, ben, lui, il a dit qu'il s'en battait les couilles, quoi. Et quand j'ai dit ça à Hassan, il m'a dit, mais tu vois pas que c'est une mytho? Un coup, c'est son oncle qui meurt, un coup, c'est sa cousine, un coup, c'est son beau-frère, un coup, c'est elle qui est à l'hôpital, un coup, c'est si. Mais elle raconte que des conneries. Tu crois qu'on croit à tous ces mythos, nous? Demande-lui qu'elle te montre les résultats de ses examens en vrai, qu'elle te les envoie en photo. Elle t'enverra que dalle. Parce qu'à chaque fois qu'on lui a demandé des preuves, elle n'envoie jamais rien parce qu'il n'y a rien. Tu veux garder en souvenir? Oui, garder en souvenir. Elle a regardé l'étiquette de l'hôpital. Parce qu'en fait, elle a sa bague. Hier, elle est sortie. Et du coup, après, elle est rentrée quand... bref, elle est arrivée là. Et en fait, elle avait sa main qui a gonflé et sa bague, son doigt, il avait triplé de volume ce matin. Ma fille, la grande. Donc, du coup, elle a dû aller aux urgences pour qu'ils lui coupent la bague parce qu'elle, en fait, le sang, il ne circulait plus. Son doigt, il avait triplé de volume. C'est pour ça qu'elle était aux urgences cet après-midi. Là. Ils lui ont coupé la bague. Ah, je... Ouais, ça va mieux maintenant qu'ils lui ont coupé la bague. Ça y est, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Parce que moi, j'avais l'alliance de mon père. Quand mon père est décédé, j'avais récupéré son alliance. Et pareil, un jour, là, avec la courtisone, tout ça, là, quand j'avais pris du poids, pareil, eh ben, mon doigt, il avait triplé de volume. J'avais du coup coupé l'alliance de mon père. Pareil. Il m'est arrivé la même chose. Non, c'est rien. Ils ont coupé la bague et terminé. Maintenant, ça va. Hein. Regarde, elle rigole. Elle n'était pas. C'est un pote à elle qui l'a amené parce qu'elle ne pouvait pas conduire et voilà. Non, ça va. Mais elle, maman, quand elle voit, t'as vu, parce qu'en fait, je fais des crises de spasme. Comment ça s'appelle? Je t'ai dit, comment tout à l'heure, me dit spasmo, machin. Là. En fait, si je ne prends pas de la ventoline, la sérétide, quand je suis dans l'état comme j'étais hier, il faut que je prenne la ventoline, la sérétide pour calmer la crise, que je me mette à la fenêtre, que je respire. C'est parce que je m'étouffe. Je n'arrive même plus à parler, je m'étouffe. Et maman, elle ne sait pas gérer mes crises. Que Justine, elle sait gérer. Au tout début, là, quand j'ai une période, j'en faisais 3-4 par semaine. À chaque fois, je partais avec les pompiers. Et après, le médecin, il m'a dit, bon, je vais vous apprendre à gérer vos crises. Parce qu'en fait, le temps que vous arrivez aux urgences, la crise, elle est passée en vrai. Donc, ça ne sert à rien de venir aux urgences pour ça. Il faut juste que vous appreniez à la gérer. Vous la sentez arriver, vous prenez votre ventoline, la sérétide, vous vous mettez à la fenêtre, vous respirez calmement, machin. Il faut que quelqu'un à côté vous parle calmement, qui vous apaise. Et la crise, elle passe toute seule, tu vois. Mais c'est exactement ce que j'ai fait en live hier, en vrai. Mais j'en sais. Tu marches, Chatman? Ah ouais, je me rappelle quand t'avais été tout au truc là avec Mort, t'étais parti au truc de chez Morsa et tout, non? Ah ouais, juste. Ben, tu devrais te prendre une trottinette électrique, toi. Oui. Oh, Shadman, ça roule Un pas à vélo électrique, alors. 50 km/h une trottinette, hein. Non, mais même à 50, Sandrine, tu tombes mal en trottinette électrique, tu peux perdre la vie, c'est dangereux. Ouais, si t'as pas d'équilibre, tu me diras. Hein. Ouais, ça dépend où tu tombes, si une Ou alors voiture tu qui te t'achètes pousse une voiture dessus. sans permis, Shadman. Ou même un vélo électrique. Mais non, ça fait du bien un vélo électrique. Tu peux bouger, tu peux faire un plus long périmètre et ça change un peu de marché. Oh, mais un vélo, c'est pas la même chose. Un vélo, c'est différent, hein. Moi, j'ai des trottes électriques, Après, tu la vois, mais je marche, mets un casque et moi, je tout, je sais fais que attention, tu vois. moi, le cardiologue, il m'a pas conseillé la marche. Il faut que je fasse le truc, là, tu sais, parce que comme à cause du cancer, j'ai plus de cardio. Pour le cardio, je vais au truc aquabike, là, tu sais, aquagym, là. Non, tu fais du vélo dans l'eau. Mais parce que quand tu dois reprendre comme ça une activité sportive, puis en plus, bon, j'ai 55 ans, j'ai pas 20 ans, tu vois. Mais pour que je reprenne un peu plus de cardio que j'en ai, il y a tout un processus à faire. Tu ne peux pas le faire tout seul. Et donc, il faut que j'ai un coaching là, avec le coach de la salle, du truc là, qui, avec les certificats du médecin, il faut que j'amène les certificats de mes deux toubibs, et qu'il explique ce que j'ai, machin, blabla. Et lui, en fait, il te fait un programme adapté en douceur, tu vois. La première fois, je vais y aller une demi-heure. La deuxième fois, je vais y aller une. Mais ça va se passer doucement. Tu peux pas faire comme tout le monde quand tu as eu des problèmes de santé. Hey, moi, ça, Chalman, j'ai eu un cancer. Hein. Je n'ai pas eu des problèmes de santé, tu comprends? J'ai un traitement. Voilà, il y a des trucs que tu peux pas. Moi, ça fait 6 ans que je suis en mode pas végétative, mais parce que je marche, je prends fauteuil roulant, machin, blabla. Mais il y a que 1 an que je revais vraiment bien, tu vois? Donc, les choses, il faut pas les, il faut les faire au moment. Il faut les faire à ton rythme. Et puis après, pour reprendre moi dans mon cas, pour le cardio machin, il faut que je me fasse accompagner, je ne peux pas le faire toute seule. Non, non, non, tu ne peux pas faire de trucs tout seul. Moi, dans mon cas, moi, il faut que je sois, j'ai un accompagnement. Alors même les filles vont venir avec moi au truc d'Aquagym, un coup ça sera Justine, un coup ça sera Manon, parce qu'elles savent que si c'est moi, même moi, je n'irai pas. J'ai rien à branler. J'y vais pas. Donc, elles vont s'inscrire en même temps que moi. Là, on va aller s'inscrire toutes les trois là au début du mois. Et pour qu'un coup, ce soit l'une qui vient, un coup, ce soit l'autre. Parce qu'elle me dit sinon, elle n'ira pas. Elle ne le fera pas. Tu sais, moi, je suis très compliquée dans mon réel. Déjà, j'ai dit là, parce que je dois faire un examen la semaine prochaine, si la tumeur, elle est. Si on pense que la tumeur. Moi, je dois faire comme Sophia, elle a une biopsie là. Si la tumeur, elle est. C'est ça que j'ai appris hier. Si j'apprends que la tumeur, elle est cancéreuse, je ne me soignerai pas. Je ne me soigne plus. Je ne repars pas dans un protocole. J'ai fait, moi, chimio, radiothérapie, tout ça. J'ai perdu, c'est comme ça que j'ai perdu mes dents. C'est ça que j'ai un dentier. Et je ne veux plus. J'ai dit aux filles, si jamais, là, ils me disent que je ne me soignerai pas, elles le savent, mes filles. Je ne me soignerai pas, je ne ferai plus de soins. J'arrêterai tout. J'arrêterai les médicaments, j'arrêterai tout. Parce que je ne repars pas dans ce truc-là. Si j'ai 55 ans. Si moi, mes filles, ça y est, elles sont grandes, c'est des enfants tout élevés. La première fois, je me suis battue parce qu'elles étaient mineures et qu'elles avaient besoin de moi. Là, c'est plus le cas. Non, mais il faut le vivre. C'est pour ça que quand Sophia, elle m'a dit ça, là, je me suis un peu. Pas attendrie, mais un peu, parce que je comprends, je vais faire le même examen qu'elle, elle le sait. Mais tu sais, les femmes, les seins, c'est le truc, voilà. Souvent, c'est où les ovaires, les seins. Moi, j'ai eu la thyroïde d'abord, j'ai commencé par la thyroïde. Mais voilà, moi, il me dit, c'est ça. Regarde là, tu sais ma moto, Brigitte. Tu vois, Brigitte, on ne la voit plus parce qu'elle, elle avait un cancer du poumon, phase 3. Donc déjà, phase 3, c'était bien avancé. Elle était en chimio-radiothérapie. Ça y est, la tumeur, elle est montée au cerveau. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. Elle a une tumeur au cerveau. Et ben, donc là, c'est bon, les médecins ont arrêté les soins. Plus de chimio, plus de radiothérapie. Ben, c'est une de mes motos, Brigitte. C'est pour ça qu'on ne la voit plus. Mais c'est abonné à ma chaîne. Brigitte, ce n'est pas une qui est en robe avec des cheveux courts sur sa photo de profil. Non, elle a les cheveux attachés. Ouais, elle a les cheveux attachés, mais en gros, on la voit complètement sur sa photo de profil. Ouais, c'est elle s'est abonnée à ma chaîne. Tu vois qu'elle est toute maigre sur la photo déjà. Ouais. Eh bien, 60 ans, elle a. 60 ans, elle a commencé par avoir un cancer du poumon. Nous, on l'a accompagnée quand elle était en chimio. Elle était à l'hôpital avec Natacha, mon autre modo. On l'a appelée, on prenait de ses nouvelles, tout ça. Ça s'est passé en off. Et on en parlait très peu, à part un jour où son mari est venu dire qu'elle était repartie parce qu'on n'avait pas de nouvelles depuis une semaine. Mais elle n'avait pas son téléphone. Donc, c'est son mari qui est venu sur mon live pour dire que. Et là, dans le coma, il n'y a pas longtemps, elle est sortie du coma, mais elle est à l'hôpital là, en ce moment. Voilà, ça y est. Hein. C'est quand. Quand la tumeur elle est au cerveau, tu sais, en général, quand tu as un cancer, c'est le début de la fin. Comme ça. Ah bah tu ne risques pas de l'avoir, elle est à l'hôpital. Et elle n'a pas le téléphone. Son mari, il ne lui laisse pas le téléphone. Parce qu'après, il sait qu'elle écoute les lives de merde, ça l'énerve. Alors déjà que hein, le cerveau, il est atteint. Elle n'a pas besoin d'écouter les lives de merde, de clash, de merde, là, tu vois. Rappelle-toi sur mon live dans un de mes derniers lives, j'ai demandé à Loli d'arrêter d'en parler. Rappelle, j'ai dit Loli, c'est pas méchant, mais ne parle plus de. Évite de parler de Brigitte, elle veut pas. Elle veut pas qu'on parle d'elle en live. Donc, du coup, moi, je respecte, je parle pas d'elle en live. J'ai de ses nouvelles, je l'ai en off. J'ai son mari en off. Mais, genre, tu sais, moi, quand mes modos, enfin, en tout cas, les gens dont je suis proche, pour ça, quand elles disent que je déteste les femmes, non, je déteste pas les femmes. Mais quand il y a des trucs comme ça graves, Shalman, moi, j'en parle pas. Et j'ai dit à Loli, non, j'ai pas Loli en off. Sinon, je l'aurais dit en off, je ne l'aurais pas dit en live, mais sauf que je ne l'ai pas en off, elle, Loli. Je dis, Loli, ne parle plus de ça, elle ne veut pas, elle veut respecte. Et Natacha a dit la même chose, elle dit, oui, je suis d'accord avec Sandrine, elle nous a dit ça, elle ne veut pas qu'on parle d'elle en live, donc on ne parle pas d'elle en live. Eh bien, tu sais pas qu'ils ont fait un troll de Brigitte qui va sur d'autres lives et qui disent que c'est son mari qui écrit, alors que ce n'est pas elle, c'est un troll. Elle a dit, Loli. Et Natacha, elle a dit, mais tu vois pas que c'est un troll. On te dit que Brigitte, elle n'a pas son téléphone. Ça peut pas être elle sur les lives. T'as des nouvelles de c'est Sophie, pas son mari. Elle doit regarder un film avec Mike. Non, à tous les coups, elle doit écouter le live d'LPC, là. Mais quelle embrouille! Non, écoute, moi et Sandrine, on veut rigoler. Mais quelle embrouille ! Il n'y a pas d'embrouille ! Moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que quand ils font pleurer Sandrine, ils sont unis ? Est-ce que quand ils font pleurer Sandrine et qu'elle a une crise, elle doit appeler ses filles, ils sont unis ? Ah, ils étaient tous... quand ça va dans la chambre, Shalman ! Hier, Shalman, hier, ils étaient tous unis pour me faire péter un plomb. Hein. Désolé. Hein. Et quand Rimka, il a dit hier, là, une marche de merde, là, qui est chez LPST d'ailleurs, il est au micro, quand lui, il se permet, tu vois, LPST, il a quand même fait monter ce une marche de merde, tu vois, alors que hier il a dit, si Morel, elle crève, ses filles, elles viendront même pas à son enterrement, alors que j'apprends que peut-être, genre, je vais repartir dans un truc de cancer. Je crois que c'est gentil, ça. Comment tu veux que je le prenne? Eux, ils savent pas que j'ai eu les résultats hier, mais en quoi c'est drôle, Shalman? Eh, parce que regarde, c'est pas moi qui ai commencé à parler de ses enfants. C'est lui qui a ouvert un live. Et le mec, il a quand même ouvert un live en titrant ma fille. C'est un père de famille. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma fille? Mais je l'ai viré. J'ai viré lui et Mike du micro. Voilà ce que j'ai fait. Et après, pourquoi tu ouvres un live? Pourquoi tu ouvres un live en titrant ma fille? Quel est le rapport entre le fait que moi, je te descende mon live et je te vire parce que tu me casses les couilles, tu vois que je suis pas bien et t'en rajoutes, et le fait que tu titres ma fille? Qu'est-ce qu'elle avait à voir, ma fille? Elle n'était même pas là. Pourquoi tu titres une gamine de 20 ans? Pourquoi? Parce que c'est facile de les défendre, Shalman. Mais par contre, regarde là, il n'y a pas eu de post sur Mike, il n'y a pas eu de post sur une marche, il n'y a pas eu de post sur leur attitude d'hier. Il n'y a eu que des posts sur moi. Là, c'est pas normal. Ouais, mais est-ce que quelqu'un lui a dit qu'il avait abusé? Personne. Qui est allé voir? Qui est allé voir l'autre abruti sur son live pour lui dire d'arrêter? Personne. Personne n'est allé sur le live d'une marche alors qu'il traite une gamine pour dire oh, calme-toi quand même. Pourquoi tu quittes sa fille? Quel rapport, sa fille? C'est lui qui a commencé à parler de ma fille. Donc tu parles de ma fille, en plus tu la titres. Parce que toi, tu connais le prénom de ma fille, et ben, je vais parler de tes gosses. Ben ouais. Hey, le mec, il se prend pour un imam dans la sphère, alors que le mec, il picole pendant le ramadan, il fume des joints pendant le ramadan, et tu te prends pour un imam. Mais tu vas te calmer, oui, mon gars. T'es un imam de quoi, toi? Vas-y, demande-lui qu'il te parle de son parcours en prison et tout, lui. Le mec en prison, il passait la serpillière, il ramassait les savonnettes. Que tu racontes, Germain. Moi, je les connais, ces gens-là. Eh oui, il marchait à reculons, le gars. Il avait peur de se prendre. S'il passait la serpillière, il nettoyait toutes les cellules des autres. C'était un soumis en prison. T'as déjà vu sa gueule, Arimka? V'là le flagrant délit de sa gueule qu'il a. Et le solo là, il est où le solo? Le toxico lui aussi. Sandrine, Je le il m'a vois plus, lui, piqué, Saïd. Sandrine! Mais je crois qu'il est amoureux de toi, Sandrine Solo. Non. Non. Il Si, la troll. bombe, j'ai l'impression qu'il a bombe toi, tu vois. Il C'est un raconte de la troll, lui, Saïd. merde, il C'est un suit, c'est un troll. fou. Regarde, il va venir sur mon live, il va me défendre. Il va aller sur le live de Mike, il va me clasher. C'est un troll vocal. Ok, c'est un fou, Saïd, fou. c'est un troll. Il s'appelle Saïd, lui. C'est un troll vocal, lui. Ouais, j'ai vu sa gueule, il a une tête de cochon, lui, hein. Par contre, il aime pas Sofia. Ouais. Il n'aime pas Sofia. Et il n'aime pas Kylian. Elle, par contre, moi, il ne me déteste pas. Limite, des fois, il me titille un peu, mais c'est jamais méchant. Mais avec Kylian et avec Sofia, il ne peut pas les blairer. Non, il est là depuis longtemps. Il avait un autre blaze avant. Ouh là là. Il est là depuis longtemps. Regarde là, il s'appelle Solo. Avant, il s'appelait je ne sais plus quoi. Il change de blaze tout le temps. Ah non, mais toi, Chalman, tu es dans une sphère. Il faut que tu te mettes dans la tête, là, mon coco. Hein, tu n'es pas un gamin. C'est une sphère de clash. Si cette sphère ne te convient pas, c'est à toi de prendre du recul et te mettre en retrait. Mais tu es dans une sphère de clash. Ce n'est pas autre chose, cette sphère. C'est une sphère de merde. C'est une sphère de MDPH en puissance, là. C'est tous des cotorep là-dedans. C'est tous des gogols. Ils ont tous fait de la psychiatrie. Ou alors ils ont des addictions à la drogue, à Sandrine, l'alcool. elle a trouvé le mascotte, Sandrine. Ouais. C'est des malades. C'est une sphère. Shalman, il faut que tu comprennes. Regarde, le fana là. Lui, il se dit chef d'entreprise. Zarma, il a trois entreprises. Il ne sait même pas combien ça fait 5 fois 5. L'autre jour, je lui dis 5 fois 5. Il ne savait même pas te répondre combien fait. Et toi, tu as trois entreprises. Mais non, t'es au RSA, mon gars. Arrête de nous casser les couilles. Hein, moi, je connais son prénom. Je connais tout de lui. Il s'appelle Christophe. Oh là. Ah ben lui, tu vois que c'est un fou. Il ment comme il respire. Il dit qu'il va devant chez les gens et tout. Non, mais c'est des tarés. Et l'homme de l'ombre, ouais. Il reste avec ça. Bah ouais. T'as son bon messenger, toi, l'homme de l'ombre, parce que je sais pas ce qu'il m'a raconté. Il était fâché la dernière fois. Je sais pas ce qu'il m'a raconté, le garçon-là, alors que... J'ai vu, mais écoute, il confond tout. Moi, j'ai pas dit que c'était une balance. Moi, j'ai vu un live où est-ce qu'il était chez Jo Arnaud et il y avait Mike. Et Mike, il lui a dit « Touche de l'ombre » et il a sorti un papier. Et après, quand moi, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, l'autre, il a dit, Mike, il a dit « Ouais, il disait qu'il sortait du commissariat. » L'autre, il dit « Ouais, le King, il a demandé s'il sortait du commissariat comme c'était une balance. » Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? D'où j'ai dit que c'était une balance? Moi, j'ai entendu, parce que j'étais avec un compte, je lui ai posé la question. Et après, j'ai fait une vidéo-réponse. Tu vois ce que je veux dire? Après, il me parle de Sandrine et tout. Je lui ai fait une vidéo-réponse. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui as bouffé le fion à Sandrine pendant des mois. Mais moi, alors, de base... Tu sais que lui, le King, comment il m'a approché? Un jour, il est venu sur mon live, il était parti. Parce que lui, il a passé un an en psychiatrie. Il a fait une cure de... D'abord, il a fait la psy normale et après, il l'a envoyé en addictologie pour l'alcool, parce qu'il était dépendant à l'alcool. Lui, il buvait du matin qui se levait au soir qui se couchait, tu vois. Donc, il a fait d'abord la psy, donc il a passé un an, pendant un an, il s'était cassé. Donc, il écoutait, mais de loin, il n'était plus actif, rien. Enfin, genre, qui dit. Mais en tout cas, voilà. Il revient et toujours sur ses vieilles rancœurs contre ZK et tendance décadence, là, qui connaît de la sphère de l'œil du net. Donc, il commençait à les attaquer. Mais moi, comme à l'époque, j'étais contre ZK et contre Tendance, là, le gros DK, là, le Père Noël de merde, là. Donc, du coup, bon, ça allait bien dans mon sens. Mais moi, je ne le connaissais pas d'avant. D'avant, lui, je ne le connaissais pas. Donc, il a commencé à me raconter. On est rentré en off. Il m'a expliqué son contentieux avec ZK, avec DK, machin, blabla. Ouais, bon, OK. Et après, moi, je dis, écoute, moi, par contre, eux, j'en parle pas tout le temps. C'est pas mes targets préférés, là. Si moi, j'ai mes targets préférés. Et je veux bien les clasher de temps en temps, mais voilà, vite fait. Et du coup, comme il venait souvent sur ma page, il a eu la modo. Après, il a commencé à clasher Mike. Parce qu'en fait, il n'aimait pas quand Mike, il faisait des contre-lives. Il me dit, ouais, il te nique tes vues. Mais je m'en bats les couilles des vues, moi. Il peut me faire un contre. Lui, c'est que les vues. Ouais, mais quand LPST l'ouvre contre toi, il te nique tes vues. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on ne fait pas un concours. Mais si, c'est important, les vues, l'algorithme. Je m'en bats les couilles, moi, des vues, des pouces en haut. Parce que lui, il achète des pouces et tout, là, tu vois. Je me dis, mais toi, t'es un ouf, toi. Et donc, quand j'ai vu qu'il était dans ce délire-là, je me dis, oh là là, toi, je vais prendre un peu de distance. Donc, j'ai commencé à moins faire de off. Et du coup, après, je me prends la tête avec son pote Yujiro, là, je sais pas quoi, là. Alors, lui, Mito de chez Mito. Le mec, il me dit en off, parce qu'on avait un groupe à trois. Et le mec, il me dit, ouais, Sandrine, il me montre une baraque en Belgique. Et il me dit, t'as vu ma maison, machin, blabla. Sartec, frérot, jacuzzi, piscine et tout. J'ai dit, bah, c'est bien, tant mieux pour toi, je suis content pour toi, machin. Et de l'autre côté, l'homme de l'homme, il me disait, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est quelqu'un de sa famille, il fait que mentir, machin, blabla. J'ai dit, mais pourquoi tu me le dis en solo, soit pourquoi tu dis pas à lui? Je m'en bats les couilles, moi, en vrai, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ton pote, là, à mentir? C'est parce qu'il veut toujours se mettre bien en avant devant les femmes. Oui, moi, je m'en bats les couilles de sa gueule. Hey, vous savez quoi? Ça commence à être trop compliqué, les deux, là. Toi, tu viens me critiquer ton pote, et après, quand on est parlé, là, tu dis, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Oui, Starfou, là. Oh là. Donc, je me suis éloigné de tout ça, tu vois. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est deux tox. L'autre, il était dans l'alcool, Giro. Toi et lui, il était retombé dans l'alcool. J'ai dit, allez, j'ai pas que ça à faire. Moi, je vois un coup de temps en temps, mais c'est pas tous les jours. Il a déjà vu sa tête à Yujiro. Ouais. Moi, j'ai vu sa tête. C'est la première fois que je vois sa tête. Je vous l'ai mis dans les messages, regarde. Attends, je vais te dire si c'est lui. Si, c'est lui. Il était sur le live avec l'homme de l'ombre. Ouais, c'est lui. Ouais. Ah ouais, c'est lui, ouais. Ouais, j'ai la même. Enfin, j'ai d'autres photos de lui, mais. Et le mec, il m'envoyait des photos de lui quand il était jeune, tu vois, dans le groupe. Et de l'autre côté, l'homme de l'homme me disait, Sandrine, ça, il était jeune, il ressemble plus à ça maintenant, machin. Et je m'en bats les couilles, en vrai. J'ai mis, en fait, je m'en bats les couilles de toi et de lui. Vous avez pas compris, les gars. Moi, vous n'allez pas me prendre la tête parce qu'il m'appelait tout le temps, le matin. Hey, j'ai assez trop, les gars. T'as vu, moi, j'aime bien, on s'appelle de temps en temps, mais moi, je ne fais pas du off tous les jours. Ernst Chanman, est-ce que je te casse tous les jours en off? Les couilles en off. J'appelle. C'est rare, moi, les off. Là, c'est exceptionnel aujourd'hui parce qu'on se reparle avec midi. Mais moi, je ne suis pas le style à appeler tous les jours, à faire du off tous les jours. On a nos vies aussi, chacun, tu vois, on a nos obligations. Là, moi, je crois que je ne vais plus l'aide du tout. Hein. Si elle a couché avec mon diamant, ça ne va pas le faire. Hein. Ah. Moi, je dis qu'elle s'est fait butiner par le diamant. Ah, ben, je le sais. C'est parce que toi, tu t'es endormi l'autre fois parce qu'elle l'a dit de sa propre bouche. Eh oui, Chadou, tu t'es endormi l'autre fois dans la conversation. Mais sauf que, tu sais quoi tout à l'heure? Chaman, tout à l'heure, demande à Mehdi, t'étais pas là. Il y a Moon, parce qu'en plus, hier, j'ai même débloqué Moon qui est ma moto. Donc, bref, je me suis excusé et tout. Et, ouais. Et du coup, je lui dis, tu crois, toi, au fait que Mike, il est couché avec Sophia? Elle a dit quoi? Mehdi, absolument pas, elle a dit. Ça, c'est encore un mytho. Moi, j'y crois pas du tout. Ils vont en dire ça pour que tu parles de ce que toi, tu parles de ça, et machin, et blabla. Comme ça, ils vont encore te faire passer pour une jalouse. Hein, elle a pas dit ça, Moon, Mehdi? Exactement. Mais bon, moi, j'ai entendu de sa propre bouche. Donc, on ne peut pas me dire si on me dit ça. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient là, dont Chadman, mais il s'est endormi, lui. Eh ouais. Ah, voilà. Donc, moi, je sais très, très bien. Donc, on ne peut pas me dire si j'aurais entendu ça de quelqu'un d'autre, j'aurais pu m'abstenir, même, j'aurais même pas non, dit mais ça. Là, en fait, Chadman, moi, c'est ce que j'ai dit à midi, je n'y crois pas non plus. Parce que Mike ne se déplace jamais. Pourtant, il a sa fille dans la banlieue parisienne. Il ne va jamais à Paris. Il n'y va pas pour voir sa fille. Il va y aller pour voir une Sophia. J'y crois pas un instant. Si, il va avoir un rendez-vous, je ne sais pas quoi, par rapport à sa fille et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il a raconté. Je sais pas ce qu'elle a raconté. Ouais, peut-être elle allait venir dans le sud, elle, parce qu'elle doit venir chez Marie-Mélie qui est à Marseille, Sophia. Donc, il avait dit, si elle vient, moi, il m'avait dit ça, Mike. Moi, je reste sur ce que Mike me dit. Il est quand même plus crédible en off que elle. Et moi, en tout cas, en off, il ne m'a jamais menti. Et il m'avait dit, si elle vient, parce qu'elle doit venir chez Marie-Mélie qui habite à Marseille, puisque moi aussi, je dois la voir bientôt, et elles se sont vues à Paris, si elle vient à Marseille, je ferai l'effort de la voir, il a dit. Mais avec Marie-Mélie. Non, moi, moi, je pense pas. Moi, je pense comme la manière dont l'a exprimé Sandrine, la manière dont l'a exprimé ce jour-là, dont elle était enthousiaste et tout, et l'autre personne, elle était là. Qu'elle n'a pas voulu, parce que vous étiez plusieurs. Est-ce parce que Sophia, elle fait beaucoup ça en off, elle se met en avant. Est-ce qu'elle n'a pas voulu se faire mousser? Non, parce que se faire mousser, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Et c'est moi qui, parce qu'au début, elle ne disait pas. C'est moi qui ai un peu taquiné. C'est bien quand j'ai envie de savoir quelque chose, tu vois? Ouais. Et j'ai un peu taquiné, et puis après, elle a dit, on la ken, quoi. Et puis après, les gens, ils ont dit, ah bon, si ça? Et puis ça est rentré dans les détails. Ouais, mais regarde, comme elle a dit, comme elle avait inventé qu'elle était en off avec PSG Toto, qu'il était amoureux d'elle. Ouais, mais en tout cas, là, je sais que l'autre, il est en off avec, et avec ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, Sandrine, il y a déjà eu un pas. Tu m'as expliqué un truc tout à l'heure, il y a eu un pas. Et moi, je pense qu'avec tout ce que tu m'as expliqué, c'est possible qu'il ait butiné. C'est possible. Pour moi, c'est possible. Salman, il est en train de faire sa chérie, là. Salman, il est en train de réaliser que Sophia, il est en train de perdre Sophia, là. Ça ne sera pas ton amoureuse. Et si tu veux une amoureuse, il ne faut pas que ce soit elle. Elle est trop vicieuse pour toi. Elle fait des sex times, elle fait des trucs dégueulasses. Elle l'a fait avec Marco, elle l'a fait avec Jimmy, elle l'a fait avec Walid. Elle l'a fait avec trop de mecs dans la sphère. Pas une meuf bien pour toi, Chad. Si tu cherches une meuf, pas elle. Oui, mais tu la défends quand même beaucoup. Mais toi, t'as voulu la coller, Chadman. T'as voulu la coller sur Paris et tout. T'as voulu, tu lui as demandé, elle était où sur Paris? T'as voulu la coller à vous, moi? Ben si, elle me l'a dit. Ah, mais non, ah, on fait moins le malin. Ah, elle m'a dit que t'as voulu la coller, qu'elle t'a mis, un stop. Chatman, elle me l'a dit que t'as voulu la coller, tu lui as demandé elle était où sur Paris, compagnie plusieurs fois, tu lui as fait un peu de rentre dedans, elle t'a mis un stop. Oui, si elle me l'a dit ça. Ah, voilà, tu vois, même à Sandrine, elle l'a dit. Chatman, moi, elle m'a dit que tu lui avais dit ça en privé, tu lui avais fait un peu de rentre dedans et elle t'avait mis un stop. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, Chatman, il m'a demandé, j'étais où sur Paris et compagnie, nanana, il m'a fait un peu de rentre dedans, quoi. Bah, en tout cas, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, voilà, c'est un Delport, hein, c'est un bordel, hein. Là, je pense que voilà, Mike, je pense qu'il a butiné. Hein. Il a déjà butiné au moins une fois. Et il, tu vois, en ce moment, c'est un peu éloigné, comme elle dit. Hein. Ils vivent leur couple éloigné. Chacun est dans son coin. Ils sont à leur rêve. Je pense qu'elle attendait vraiment. Attends, écoute, elle a fait ça. Parce qu'il faut quand même dire qu'avant Mike, il y a eu Marco Librantenne. Il y a eu Walid Cash. Il y a eu, Fantomas. Il y a eu Serge Haddad. Tout ce cinéma-là qu'elle fait avec Mike. Elle l'a fait avec d'autres avant. Oui, mais juste que, peut-être moi, ce que je pense, c'est qu'aucun, en tout cas les noms que tu m'as dit, il y en a que je connais, c'est un grand mot, mais Fantomas et Serge, jamais ils iront la voir. Ça, c'est, tu peux en être sûr, à 2 millions de pourcents, ils n'iront pas voir cette dame-là. Ça, voilà. Moi, Hassan, il m'a dit, parce que Hassan, il ne faut pas croire qu'il apprécie Sophia, hein, il n'en a rien à branler. Hein. Il dit que c'est une folle, elle est tarée, il ne faut pas croire tout ce qu'elle dit. Il m'a dit que les seuls qu'elle avait vus, d'internet en vrai, c'était lui et Marie-Mélie. Ouais, mais après, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, pour répondre à ça, tu vois, qu'elle avait dit ça avec Marco et tout, c'est parce qu'aucun fait le pas. Moi, je pense que là, avec ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, tu vois, tu m'as expliqué deux, trois trucs tout à l'heure aussi, par rapport à la société, par rapport à d'autres trucs, tu vois, qu'il aurait envoyé et tout, moi, je pense qu'il a fait le pas. Je pense que lui, il a fait le pas. Et c'est pour ça qu'elle était toute contente. Après, peut-être, hein, je ne dis pas… Tu vois, c'est ça que je t'explique, tu vois. Parce que oui, elle a dit peut-être beaucoup de fois, elle a inventé des trucs et tout, mais de la manière dont là, c'était expliqué, en tout cas, moi, à 80%, c'est vrai. On laisse toujours le bénéfice du doute. Moi, le problème avec elle, et après, j'étais un peu d'accord là-dessus avec Hassan, c'est qu'elle a tellement raconté de mythos. Moi, quand je te dis que j'ai vu Mélancio… Et la vérité est ailleurs, Regarde, Mike, il t'a quand même dit qu'elle avait aidé pour la société. T'es d'accord? Ouais, elle lui a donné du fric, ouais. Voilà, elle lui a donné du fric. Mike, il t'a quand même parlé de photos. Des bâtards qu'il avait envoyés. Ouais, ils ont fait des photos. Donc, il a déjà passé un pas. Que les Serge, les Fantomas, les autres, à part le crasseux Jimmy, des rennes comme ça. C'est pas la première fois qu'il envoie sa teub à des meufs. Il l'a fait à Diana. Il l'a fait à Laura De Carlina. C'est pas pour autant qu'il les a vus en vrai. Ouais, ben là, il y a autre chose. Il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent en jeu et tout ça, je pense que c'est peut-être différent. Mais s'il y a de l'argent, elle lui a dû donner du fric pour sa société. Il la butine, elle l'a dit, je m'a butiné à l'hôtel à Paris. Oui, c'est de l'amitié. Exact, mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Oh, mais dis, il la défend quand même, hein, Sophia. Parce qu'il la butine. Mais est-ce que parce qu'il la butine, mais attends, c'est tout à fait normal entre un homme et une femme qu'il y ait quelque chose. Non, mais c'est normal à un moment que ça arrive à un certain point. Mais elle nous l'a dit. Mais toi, tu dormais. Comment? Écoute, Shadman, tu dors. Shadman, toi, t'es là avec tes signes astrologiques. Quand il y a le butinage, il n'y a pas de signe astrologique. Écoute-moi bien. Quand il y a le butinage, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vu qu'elle était toute enthousiaste. Elle a dit, on a Ken. Moi, j'ai. Bah, après, c'est pas pour parler sur Mike ou quoi que ce soit. C'est juste que la manière dont ça se passe, maintenant les éléments que j'ai avec Sandrine, je me dis que peut-être c'est possible. En tout cas, c'est elle qui le prétend, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui insinue quelque chose, c'est elle qui l'a dit de sa bouche devant des gens. Parce que si c'était pas, si elle l'avait pas vu, pourquoi elle se vanterait de ça, Shadman ? Exactement. Parce que regarde, elle est amoureuse de Marco Librantin. Eux aussi, ils avaient fait des sextapes, machin, blabla. Mais ils ne se sont jamais vus en vrai. Avec Walid, pareil. Elle a fait des sextapes avec Walid. Ils ne se sont pas vus. Attention, Sophia, c'est une chaudasse en os, hein, avec les mecs. Le babouin. Ne me mets point, babouin. C'est qui, ami? Mais, Shadman, comment tu peux dire que c'est tes amis alors que tu ne les as jamais vus? Moi, à l'inverse de toi, j'ai 55 balais. Je ne galvaude pas le mot d'ami. Je l'ai dit tout à l'heure à midi. Les deux seuls amis que je considère dans cette sphère, c'est Bibiche et Hassan. Mais là, je mets un point d'interrogation. À Hassan, il faut que j'ai une discussion avec lui. Mais sinon, les autres, je ne les considère absolument pas comme des amis. Absolument pas. J'ai aucune confiance. Rien à branler. Hassan, c'est pas pareil. Il était là pendant mon cancer avec Thériel. Je le connais depuis le début. Bon, avec lui, on s'engueule tout le temps, c'est je t'aime moi non plus, mais il revient tout le temps. Là, il va se calmer, là, il est énervé, il va se faire enculer, j'en ai rien à branler. Mais il reviendra tout le temps. Bibiche, pareil. Bibiche, je peux m'engueuler avec elle, elle revient tout le temps. Mais eux, c'est pas pareil, j'ai un lien particulier avec eux, que j'ai pas avec Sophia, que j'ai pas avec Mike, que j'ai pas avec LPST, même vous. Tu sais, avant de dire de quelqu'un que c'est ton ami, faut doser les mots, tu vois. Moi, je dose justement. Les mots ont un sens, tu vois. Et encore moins, regarde, quel est l'intérêt? Pourquoi Sophia, Shadman? Explique-moi, pourquoi Sophia, elle a été dire à Mehdi que j'étais amoureuse de lui? Non, mais la blague. Mais elle est con, celle-là. Juste parce que j'appréciais Mehdi, que j'aimais bien rigoler avec lui, parce que j'aimais bien son délire, qu'après j'ai vu toutes les folles arriver là-bas, là, les one-shots et tout, qui coin tout, ça m'a fait chier. J'ai dit, ouais, allez, c'est bon, de toute façon, ça va partir en couille à un moment donné. Je me suis barrée, je me suis un peu accrochée avec Mehdi et je me suis taillée. Mais rien à voir avec des sentiments. Attends, Mehdi, je n'avais même pas échangé avec lui en off. Rien du tout. Je vais tomber amoureuse d'un mec que même pas je connais. C'est quoi ce délire? T'as cru que j'avais 20 ans? Ça, c'est son fonctionnement à Sophia, pas le mien. Eh ben, quel est le but? Quel est son but d'avoir dit ça à Mehdi? Moi, si je dis ça à Cirque de Belgique, il va m'appeler lundi. Quand il va m'appeler lundi, parce que je ne l'ai pas le week-end, mais quand il va m'appeler lundi, que je vais lui dire que Sophia elle a dit ça à Mehdi, il va hurler de rire. Hein. Cirque de Belgique, il va hurler de rire. Il va me dire, elle n'a pas osé dire ça à Mehdi. Oui. Elle est complètement cinglée, il va me dire. Parce que Cirque de Belgique, il dit que Sophia, c'est une cinglée. Hein. Et il la connaît mieux que toi. Hein. Shadman, en plus, t'étais là dans la converse, en plus, quand elle disait ça. Shadman, t'étais là, toi t'es un gamin, toi! T'es un gamin, Shadman, toi! Ben oui, bien sûr, c'est une photo! Elle est mal entourée, ça se dit pas le contraire! Exact, tu comprends, Sandrine, ou pas maintenant? Shadman, il sait, il était là! Shadman, il était là! Ouais, mais tu la couvres dans ces conneries quand même. Pourquoi tu valides, pourquoi tu cautionnes des mensonges? Ton chatman. Tu vois bien, tu vois bien que Sandrine, je mens pas. Mehdi m'a envoyé les trucs sur toi, là. Si j'avais été une garce, une mauvaise machin, j'aurais relayé, hein. J'aurais affiché bas les couilles, hein. J'aurais pris une de mes pages troll, là. J'aurais relayé, pas page troll, mais une autre de mes pages, pas celle officielle, et je l'aurais fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas pour faire du mal gratuitement aux gens, mais je déteste, s'il y a un truc que je déteste, Salman, c'est que si moi, je te fais rien, je ne parle pas de toi, tu n'as pas à parler de moi, m'inventer. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle a à se mêler de ma vie personnelle? Alors donc, dans le clash, elle a tous les droits. Elle a le droit de raconter tous les mythos, alors. Tu comprends, Sandrine? Tu comprends que je mens pas? Tu comprends maintenant ou pas? Oui, je sais, j'ai compris. Ouais. Sandrine! C'est pour ça que je t'ai dit, je ne me mêle pas de ses affaires, Sandrine. Tu comprends ou pas maintenant? Je ne comprends pas pourquoi tu la défends sur des mensonges. Non, mais est-ce que ça te plairait, toi, Chanman? Est-ce que ça te plairait? Regarde, j'appelle Mehdi, je raconte un bobard sur toi. Et Mehdi, il croit à ce que je lui dis. Il sort. Tu vas dire, mais il est ouf, lui. Pourquoi il raconte ça? C'est pas vrai. Ben, ça va pas te plaire, parce que ça te concerne. Et quand elle a dit qu'elle avait fait la même chose avec Mouton Noir, moi je disais, c'est pas possible, elle a fait la même chose avec Mouton Noir. Chanman, arrête un petit peu, Chanman. Salman! Tu comprends ou pas, Sandrine? Ouais. Non. Là où tu n'es pas honnête, Chanman, tu n'aimerais pas, parce que ça, c'est de la diffamation, d'aller voir des gens et de raconter des mensonges, je supporte pas. Qu'elle aille voir Mehdi en lui disant « Allez, Sandrine, elle a dit que tu étais un connard » ou je sais pas quoi, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, mais bref, je n'ai jamais parlé vraiment de signer avec elle. À la limite, ça, je dirais « Bon, je m'en bats les couilles, elle a dit ça parce qu'on est en clash, elle veut monter Mehdi contre moi, je m'en bats les couilles. » Mais là, ce n'est pas ça qu'elle a dit. Elle a été dire que j'étais amoureuse de Mehdi. Non, mais genre, tu crois que moi, 55 ans, si je décide d'être amoureuse de Mehdi, je vais avoir besoin d'une Sophia pour aller lui dire. Je suis une gamine, moi, je suis une enfant. Non, mais là, ça touche ma vie privée. Et en plus, là, ce n'est pas ma vie privée, c'est ma vie intime. Est-ce que moi, je m'occupe de ces histoires de cul virtuel à cette cinglée? Donc, si elle rentre là-dedans avec moi, je vais rentrer là-dedans avec elle. Non, mais écoute ce que je vais faire. Parce que moi, je suis plus intelligente qu'elle et Mehdi aussi. On est beaucoup plus fin que ça. Moi, je vais ouvrir un live. Pas aujourd'hui, Mehdi voulait que je le fasse aujourd'hui. Je dis, vas-y, je me remets déjà d'hier, tranquille. Je le ferai. Je vais ouvrir un live et je vais dire, bon, je vais vous présenter. Bon, vous voulez tout savoir la vérité? Voilà, je suis avec quelqu'un de cette sphère. Bien sûr qu'ils ne vont pas y croire. Hein. Ce n'est pas très crédible. Hein. Ils ne m'ont jamais vu trop échanger plus que ça avec Mehdi. J'étais un peu sur ses lives au début. Personne ne va y croire à ce truc-là. Mais nous, on va en jouer avec Mehdi. Mais Sophia, elle va savoir que ça vient d'elle. Parce que tu... Mais tu rigoles ou quoi? Écoute, Chanman, s'il te plaît. Hein, tu ne parles pas à une enfant, d'accord? Je ne sais pas quelle âge. Et avec l'écoute, c'est tout aussi, elle l'a dit devant toi, Chanman. Chanman, dis la vérité avec les courses qu'elle avait fait plusieurs fois pour 400 euros de coupe. Non, je suis d'accord, mais avec les courses, elle avait fait pour 400 euros et ses filles, il fallait les trucs de marque. Ah, vrai, hein. Ah, mais Chanman, t'étais là, qu'on l'a dit. 9P, mais qu'est-ce que tu fais? Aïe, Chanman. Moi, j'ai aucun problème. Exactement. Mais oui, c'est clair. Mais moi, il n'y a pas de problème, je dis la vérité. Moi, écoute, moi, voilà, moi, je sais que Sandrine, on la prend pour une conne là-dedans, hein, et voilà, j'aime pas fort qu'on prenne pour une conne Sandrine. Chaman, je suis désolée, mais regarde, moi, je te vois pas, je suis attaquée sur plein de pages, il n'y a pas, parce que toi, t'as, apparemment, tu as fait une fixette sur James Claquet, là. Je suis attaquée sur bien d'autres pages que James Claquet, je te vois pas me défendre ou intervenir. Par contre, à chaque fois que ça parle de Sophia, on te voit monter, on te voit ci, on te voit là. Ben oui. Non, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande pas de le faire, justement. Moi, j'ai pas besoin qu'on monte. Je vais rentrer dans un délire avec Mehdi, parce qu'avec Mehdi, on va aller dans le même sens. On va rigoler, nous. On va se foutre de leur gueule. On va pas, c'est pas nous qui allons démarrer. Parce que là, LPST, il a fait un live où il parle de sujet, on s'en bat les couilles, je vais pas répondre à son live. Je veux même pas écouter, j'en ai rien à branler. Il parle que de cette histoire du gamin, là. Et là, je suis pas d'accord avec ses idées. Puis moi, je suis pas LFI, déjà. Tu vois? Donc déjà, là, on n'est pas d'accord. Mais bref, je vais pas l'écouter, là. Je vais pas répondre à un live où ça parle pas de moi. Il est né dans les commentaires et je vais pas répondre à ça. Ce n'est pas lui qui va m'attaquer, c'est Mike. Tu vas voir que Mike, demain, il va ouvrir un live. Mon diam s'est encore foutu le bordel. Il va faire monter tous les anti-morels, machin, blabla. Et suite à ça, moi, je répondrai avec Mehdi. Je vais répondre à la hauteur de ce que Mike aussi va faire. Parce que hier, désolé, hein, mais j'en ai pas vu, à part toi qui est monté, pour me dire arrête de pleurer, ferme le live, machin. Il n'y avait personne, Shulman. Eux, ils voulaient que je ferme mon live. Ils n'étaient pas là en protection. Ils étaient là pour me dire ferme ton live. Ils n'étaient pas là en protecteur. Parce que s'ils étaient en protection, ils seraient déjà allés chez Mike Rossi avant en disant à Mike, ferme ta gueule, ferme ton live et mets ça en privé. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas non plus allés chez le live de Rimka où ils titrent ma fille pour lui dire « Toi, ferme ta gueule, ferme ton live et mets-le en privé. » Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, pour moi, Sophia, LPST et Mike ne sont pas des soutiens, Shulman. Tu pourras me le dire de long, en large, en travers. J'ai 55 ans, je ne suis pas une enfant, je ne suis pas une gamine et je connais cette sphère mieux que toi. Et je sais d'avance. Là, je ne t'ai pas dit que j'allais ouvrir aujourd'hui. Je sais d'avance ce qui va se passer. Donc, la réponse, et c'est là où je te dis, la réponse, et je n'ai pas besoin de toi, la réponse, avec, je le ferai avec Mehdi, on en a parlé avant que tu viennes dans la conversation, la réponse sera à la hauteur. On ne va pas être dans la... On n'attaque pas, nous, pour l'instant, on ne fait rien. Je n'ai pas ouvert. J'ai même supprimé certains postes. Je t'ai dit que la réponse... Là, tu vois, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Demain, ça ira encore mieux. Vous savez, maintenant, le truc, il est passé. Aujourd'hui, j'ai bu du jus d'orange, de l'eau, machin, blabla. Hein, je me suis purgé, comme dirait l'autre. Eh bien, demain, ça ira encore mieux. Je serai encore mieux reposé. Et je te garantis que la réponse sera à la hauteur de ce que je vais entendre. Non, mais je ne t'ai pas dit que ce serait demain. Parce que avant que je réponde, avec Mehdi, on se parlera. On va le préparer, le truc. On va pas ouvrir comme ça pour répondre au coup pour coup. On va pas faire un contre-live comme fait Mike Rossi. Moi, je vais le préparer, le live. D'ailleurs, je le ferai peut-être même pas chez moi, peut-être qu'on le fera chez Mehdi. Et moi, je partagerai le lien dans ma communauté. On le fera peut-être même chez le King, tu vois. Exactement. Je répondrai aux attaques de Mike Rossi, et je vais observer la réaction. C'est là où il faut observer, il faut être observateur. Je n'écrirai pas, je vais observer les réactions de chacun, les écrits de chacun. Et là, après, avec Mehdi, je dirai, bon ben voilà, j'enverrai le lien à Mehdi, je dirai, écoute, observe. Après, on se parlera avec Mehdi, et on programmera la réponse. Et alors? Vol ou quoi? Regarde là, ils sont tous chez LPST. Hier, ils étaient tous chez Mike. Qu'est-ce que tu racontes? Tu rigoles. Et en plein Ramadan, une marche inéluctable, un Karim, a quand même un sujet d'amine de 20 piges. Explique-moi pourquoi ce mec, cette espèce de vicieux, la Kalachkor. D'ailleurs, en radical, il l'appelait Kalachkor à lui. Et pourquoi ce mec, il titre une gamine? Qu'est-ce que ma fille de 20 piges a à voir dans le YouTube game? Ni Justine, ni maman, mes filles ne sont pas sur YouTube, elles n'ont pas de page, elles ne font pas de live. Qu'est-ce qu'il a? Tu m'attaques sur mes enfants, je t'attaque sur les. Ouais. Non, mais j'avais une huile, j'ai acheté une huile. C'est bien. Parce qu'elle a parlé de Saïd le Tox. Non, mais c'est bon, regarde. Il est monté pour m'insulter. Non, pas me titiller. Non. Titiller, Mehdi me titille. Lui, hier, il m'a carrément insulté. Il a commencé par m'insulter, machin. Je lui ai répondu. Et quand je voyais que il montait crescendo et j'avais Mike et lui sur le dos, je les ai virés tous les deux. De là, il a été frustré. Il a ouvert un live où il titre ma fille. Mais pourquoi tu titres ma fille, la con de ta mère? Moi, tu t'en prends à mes enfants. Je te réponds à la hauteur. Est-ce que moi j'ai ouvert un live avec le prénom de ses enfants? Mais il est non, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'insulte jamais. Je ne parle pas de tes enfants si tu ne parles pas des miennes. Par contre, si tu parles des miennes. Je suis sans limite. Justine, je pourrais te le dire. Si tu ne parles pas de mes gosses, je ne vais pas parler de tes gosses. Je ne vais pas t'attaquer sur ce terrain-là. Tu viens sur ce terrain-là, je te réponds à la hauteur. Mais j'ai toujours fait ça. Il ne faut pas oublier, Shadman, que moi, ces gens de YouTube, ils ont envoyé mes filles. Justine, elle est là, elle pourrait te le dire. Hein, mais c'est du pas. Elles se sont retrouvées devant un juge pour enfants à cause des gens de YouTube. Il hein. Faut pas oublier, Shadman. Hein. Moi, j'ai fait la ZEU à personne et j'ai envoyé personne, aucune femme devant un juge pour du YouTube. Hein. Je le ferai jamais, même à mon pire ennemi, je le ferai pas. C'est pas ça. Donc, arrête, arrête avec tes, ça va s'arranger. Mais ça fait longtemps que je dis que c'est une merde. Pourquoi on l'a surnommé le serpent? C'est un coquin numéro 2. Ah ben voilà. C'est un corsaire numéro 2, pareil. Une sorte de cocker, hein? Et alors lui, en plus, il se prend pour un imam, le Rimka, là, à penser qu'il sait tout sur la religion, il te fait des théories, c'est un complotiste. C'est qu'à la base, le Rimka, c'est un complotiste. Hein. Donc, pourquoi il s'est fait jeter par Radical et Réveil Conspi? Parce qu'ils l'ont viré, ils ont mis son vrai visage à nu, il s'est fait déglinguer par Radical, par Réveil Conspi, il s'est fait virer comme une merde. C'est comme ça qu'il est arrivé chez LPST, chez nous. Avant, il n'était pas chez nous, lui. C'est un mec qui vient de chez Radical, lui. Il s'est fait striker? Eh ouais, ça m'étonne pas. C'est pas celui qui bouffe les animaux, ça. Si, radical, si, si, tue des animaux. Il bouffe des animaux. Je crois que j'ai Ouais, vu une vidéo de fou de lui. quand il était à l'étranger qui bouffait des animaux, il a dit ça une fois. Si, il a dit ça une fois. Lui, il avait menacé le rouquin, là, celui des gilets jaunes, là, Fire Rider, avec un couteau et tout. Il s'est retrouvé au tribunal d'ailleurs à cause de ça. Allez, à l'époque des gilets jaunes. Bah oui, pourquoi je te dis ça? Parce que l'église au milieu du village. C'était le pote de Flyrider, ils se connaissent dans le réel, et il était modérateur sur les lives de Flyrider. Donc, le curton, c'était un anti-radical. À l'époque, je te parle, on était sur Facebook, nous, on n'était pas sur YouTube. Donc, moi, les dossiers, je les connais de loin, de long en large en travers. Je sais qui est. Ça reste une structure, hein. Pas de problème. Je te dis, Rimka, une marche là, il vient de là-bas, il vient de la sphère de radical. Il a voulu, parce que radical, c'est un mec, c'est vrai, quand il fait ses lives, il les prépare, il fait des lives à sujet, et il cherche des documents, il argumente, il fait souvent des lives préparés, lui. Et donc, Rimka, en fait, c'était son dieu radical, parce qu'il était en admiration par les lives qu'il faisait, machin, et en même temps, il allait chez Réveil Conspi, qui est un platiste. Donc voilà d'où il vient Rimka. Il vient de là, Rimka, c'est une merde. Et après, quand ils ont décelé qu'il a voulu se mesurer à eux au micro, mais le mec, il n'était pas à la hauteur, il n'y connaît que dalle. Et donc, eux, ils ont commencé à se foutre de sa gueule. Et pour eux, ils avaient. Alors là, par contre, moi, je rigolais bien quand ils se foutaient de sa gueule. Et là, ils ont commencé. Et c'est Radical qui a appelé Rimka Kalashkor. Il avait fait des vidéos, des montages, en se foutant de sa gueule, avec sa tronche et tout. C'est vieux tout ça, Shadman. Tout ça, c'est au début, il y a 6-7 ans. Donc moi, j'ai jamais aimé une marche. Et comme lui, il supporte pas, lui, je t'explique, les femmes, elles doivent fermer leur gueule, elles doivent être à la cuisine. Lui, les femmes, c'est ça. Il l'a dit une fois. Je ne comprends pas, moi, les femmes qui font des lives, elles devraient être dans la cuisine. En fait, regarde-lui sa femme, il est marié. Hein. Il est marié, il a trois gosses. Ça ne l'empêche pas d'être sur des lives. Lui, c'est genre, vas-y, toi, bobonne, occupe-toi des gosses, fais la bouffe, ferme ta gueule. Moi, je vais dans la chambre et je suis sur mes lives et je parle à des femmes, je parle à des hommes, je fais ce que je veux. C'est ça, Rimka. Oui, mais il a des embrouilles avec tout le monde. Regarde, dernièrement, il a eu des embrouilles avec Couscous. Couscous, il l'a clashé aussi. Il a dit Kalashkor, il a ressorti des trucs de radical. Il a des embrouilles avec tout le monde parce que le mec, il se prend pour un imam. Tu dis tout, t'es un imam, toi. L'année dernière, pendant le ramadan, la caméra, elle s'est ouverte. T'étais assis au bar en train de boire une bière, là, quand de ta mère. Toi, tu fais drôle de ramadan, toi. Pour ça que l'autre jour, j'ai dit, écrire, là, les bons musulmans de cette sphère, avec votre ramadan, vous nous pétez les ovaires, parce que vous, toute l'année, vous faites du clash, vous faites de la merde, et au moment du ramadan, vous devenez des saints. Genre, vous êtes des saints. Et le dernier jour du ramadan, vous allez recommencer vos clashs, vos merdes. Non, non, il n'y a pas ça, moi, Shalman. Moi, je respecte ceux qui sont religieux, qui pratiquent machin. Marie, faites, moi, je suis athée, je ne suis pas pratiquante. Par contre, venez pas me casser les couilles avec vos religions. Moi, je ne suis pas, viens pas me saouler. Surtout quand je connais le personnage en face qui est en train de me parler de ça, tu vois. Tu es un mec qui clashe toute l'année. Donc, tu ne peux pas venir. De toute façon, la religion, les vrais pratiquants, Shadow, ils sont pas sur YouTube, d'accord? Ils viennent pas dans des sphères de clash. Et ils font le ramadan, ils jeûnent. Et ces gens-là, tu les vois pas sur YouTube. C'est rare. Et ça n'est, en tout cas, pas dans notre sphère. Ils ont tous fait de la tôle. Lui, là, le. C'est pas rien à voir, tu vas me dire, mais. Ces gens-là, là, Rimka, Couscous, il a fait de la tôle. Méga, il a fait de la tôle. Hassan, il a fait de la tôle. Une marche, il a fait de la tôle. Ils ont tous, c'est tous des reprises de 6. LPST, il a fait de la tôle. Ils ont tous fait de la tôle là-dedans. Non, il n'y a pas de peu importe. Quand tu as un passif comme ça, où tu n'as pas été, hein, tu n'as pas toujours bien fait dans ta vie et la justice t'a fait payer l'addition, viens pas me faire ta morale, connard. Moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Tu vois? Chaman, combien de fois je dis en live, la seule chose qu'il y a de vierge chez moi, c'est mon casier judiciaire. Ça veut tout dire. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont venir. En plus, c'est pour certains, là, c'est des merdeux. Qu'est-ce que tu vas venir faire la morale? Tu vas m'apprendre la vie, toi, mon gars. Viens, on parle de ce que tu as fait dans ta vie, toi, avec ton âge. Et je te parle, moi, ce que j'ai fait. À ton âge, moi, je n'étais pas sur YouTube déjà. J'avais deux affaires, j'avais deux restos. Un en Corse, un à Marseille. Donc moi, déjà, je sais ce que c'est que d'avoir bourlingué, d'avoir travaillé. J'ai fait mon beurre, ils me prêtent tous pour une cassos. Laisse-les croire que je suis une cassos, ça m'arrange. Les gens, ils connaissent rien de ta vie, tu inventes des vies. Moi, j'aimerais bien avoir vécu tout ce qu'ils disent là, tous ces fous là. Mais je déteste quand tu racontes des trucs qui sont pas vrais. Moi, combien de fois j'ai dû afficher des documents pour prouver que c'était pas vrai? Oh, ils ont été sous curatelle. What? C'est quoi curatelle? Quand j'ai vu sous curatelle quelqu'un qui gère ton argent, machin, j'ai dit, mais c'est pas des fous. Hein. J'ai ouvert un live immédiatement, j'ai montré mon chéquier, ma carte bleue. Tu dis, les gens qui sont sous curatelle, ils ont un chéquier, une carte bleue? Mais vous êtes ouf. Regarde, la dernière fois, ouais, Morel, c'est une cassos, elle a la hache, machin, blabla. J'ai affiché un de mes comptes où il y avait 32 000 euros dessus. J'y tiens à la cassos, elle t'emmerde. Lol, Sophia, on l'a trollée une fois avec les courses. Et en plus, ça, c'est Hassène qui m'a fait faire ça, cet enculé, là. Parce qu'on voulait voir si elle était généreuse avec tout le monde. Hassène, il savait très bien que j'ai jamais besoin de Sophia pour faire des courses. Tu as remarqué que moi, je fais pas de cagnotte, je fais rien, je parle rarement. Rien en vrai. Mais je me fous de leur gueule. Ça me plaît de me faire passer pour une cassose, j'aime bien. Et du coup, Hassène, il me dit, viens, on fait un travail à Sophia en off. Tu fais genre, tu n'as plus rien à bouffer, machin. Tu lui demandes pas des courses pour voir ce qu'elle va faire. Oh, je dis, oh merde, ça me fait chier avec elle. Elle va pour justement. Elle va rec, elle va enregistrer et tu verras, au moindre truc, elle va sortir ton ticket de course. Mais ça s'est passé une fois, pas quatre. Et elle a fait 80 balles. Pas 400 balles, comme elle dit. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a balancé le ticket alors qu'à Kylian, elle n'a rien sorti. Elle dit que Kylian lui doit 5 000 euros, on n'a jamais rien vu. Mais moi, elle a sorti le ticket. Tu vois? Parce qu'à Kylian, elle a fait plusieurs fois des courses. Moi aussi, elle m'a dit qu'Akigana lui avait fait 5-6 fois des courses, qu'elle avait payé son loyer, son Airbnb. Mais elle n'a jamais sorti aucune preuve. Moi, je dis, moi, je ne te crois pas, je ne te crois plus, Sophia. Moi, où tu montres les preuves que tu as payé le Airbnb, les courses, machin, blabla, moi, je ne peux pas te croire sur parole, tu as trop raconté de mensonges. Elle ne m'a jamais sorti aucune preuve. Jamais. Oui, tu es là, va chercher ton pain. T'as compris, Mehdi, le fonctionnement de Sophia? Ah, écoute. Parce que regarde, moi, quand j'ai fait les courses à Deka, le gros, la tendance décadence, deux fois, je lui ai fait livrer des courses. Je voulais pas qu'elle dise sur la sphère pour pas s'afficher cette espèce de baltringue. Il a fini par balancer, machin, blabla. J'ai sorti les tickets. Mais moi, j'ai sorti deux tickets différents. Pas un ticket. J'ai sorti deux tickets avec les montants exacts. Voilà, allez, toi, dégage. Pierrette, j'ai fait 80 balles de course, j'ai sorti le ticket de Pierrette. Moi, je l'ai fait taire avec des vérités. C'est ça qui les emmerde, tu vois. Ah, pareil, un Belge, là, j'avais aidé un Belge, là, je ne sais plus comment, permaculteur. Lui, il était emmerdé, mais je ne pouvais pas y faire livrer des courses là-bas. J'ai viré 150 euros. Eh bien, j'ai affiché le ticket, j'ai affiché la preuve. Si j'avais besoin d'argent, Chalmad, je n'aiderai personne. Tu comprends? Et c'est là où j'ai dit, parce qu'Hassène, il m'a dit, tu vas voir à quel point elle est conne, sachant que toi, tu as fait des courses à plein de gens, tu as aidé Mike aussi. Mike aussi, je l'ai aidé financièrement au début. Hein. Et sachant ça, ce n'était pas crédible que moi, je demande que je dise à Sophia que mon frigo, il est vide. Regarde, je racontais à Mehdi tout à l'heure, avant-hier, quand j'ai eu Sophia, ou hier, je ne sais plus, que Carrefour m'a livré. J'étais avec elle au téléphone quand Carrefour m'a livré. J'ai dit, ah, merci Sophia pour les courses. Elle rigolait au téléphone. J'ai dit, ouais, comme il paraît que tu m'as fait 50 000 euros de courses, toi. Et elle me dit, non, ça va. Elle me dit, c'est bon, Sandrine, j'ai abusé, mais on était en clash, machin. Ah, tu le reconnais. J'aurais dû t'enregistrer, connasse. Tu vois? Et pourtant, regarde, on est le 21, on est à la fin du mois et j'ai pas besoin d'une Sophia pour faire mes courses. C'est pour t'expliquer le fonctionnement de Sophia. Toi, tu as tendance à l'idéaliser, cette femme, et à croire tout ce qu'elle dit. Tu vois, parce que Chapman, il n'a pas d'expérience avec l'ego, c'est pour ça. C'est pour ça que... Si. Non, tu vas tomber de haut, Chapman. Tu vas tomber de haut parce que tu t'attaches trop vite aux gens. Toi, tu penses que tout le monde, il est beau. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Et en plus, on est dans une sphère d'enculés. Toi, tu as l'air d'oublier. Tu sais ce que ça veut dire dans le sud que quand on est dans une sphère d'enculés et on est dans une sphère, il n'y a que des frappadingues. Comment tu peux accorder du crédit aux gens et nous dire, ils sont bien, c'est mes amis. Ce ne sont pas tes amis. Demain, tu n'as pas d'amis là-dedans. Parce que tu as quand même, Chadou, sauf respect que je te dois, tu as quand même un petit côté naïf, mon petit loulou. Hein. Moi, j'ai pas ce côté. Tu vois, autant moi, quand je fais du game, je fais du game. Moi, à part hier. Hier, je n'étais pas du tout dans du game. Hier, j'aurais dû arrêter parce que j'ai senti la crise arriver. En plus, c'était à moi de stopper. J'aurais dû m'arrêter bien avant déjà. Mais bref, on s'en fout. Mais combien de fois, moi, je surjoue là-dedans? J'arrive à leur faire prendre des vessies pour des lanternes et tellement c'est des teubés, ils y croient. C'est que moi, je me suis amusée de leur gueule en leur faisant croire que j'avais une piscine à moi chez HLM. Et quand j'allais à la maison du grand-père des filles, je leur dis, vous avez vu ma piscine du HLM comme elle est belle? Et eux, ils disaient, attends, attends, qu'est-ce qu'elle dit la folle? HLM, il n'y a pas de piscine et elle nous montre tout le temps parce que cette piscine, je la montre tout le temps parce que j'y vais tout le temps là-bas, tu vois. Quand le grand-père il n'est pas là, on est tout le temps là-bas, tu vois. Donc forcément la piscine c'est le grand-père de mes filles, on y est tout le temps. Il part début juin, il revient en septembre, donc on y est tout l'été en vrai, tu vois. Donc, évidemment que j'y suis tout le temps. Et eux du coup c'est con, ils disaient, mais attends. Donc après ils ont capté, ils ont dit ça doit être la maison du grand-père, machin, blabla. Et sauf que la maison, elle n'est pas au nom du grand-père. Mais pas dans des HLM. Chadou. N'y a pas d'HLM à Aix. Je connais Aix mieux que toi, j'y habite. D'accord? Il n'y a pas d'HLM dans les piscines. Il n'y a pas de piscine dans les HLM. D'accord? Oui, mais ça, ce n'est pas des HLM. Les HLM, il n'y a pas. Mais tu peux les. Là-dedans, tu leur fais croire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais que j'ai réussi à faire appeler François Sfarger au CMP d'Aix, là, le truc pour les fous, là. Parce que un jour, je suis allé et j'ai relevé le nom d'un médecin là-bas. C'était pas le mien. Et cette folle de François Sfarger, j'ai dit deux, trois fois le nom du gars. Cette folle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé là-bas, elle voulait parler au docteur. Et alors que la secrétaire médicale a dit, mais madame, déjà, je n'ai pas à vous dire si c'est son psy ou si ce n'est pas son psy. Et quand bien même ça le serait, vous ne croyez pas que le docteur, il va vous parler de madame Morel? Si quand bien même c'est sa patiente, ce que je n'ai même pas le droit de vous dire en vrai. Mais madame, ça va pas. Alors elle dit, ouais, mais elle me harcèle sur YouTube. Mais madame, elle dit, si elle vous harcèle, cette dame, moi, je ne la connais pas. Vous allez au commissariat, vous déposez plainte. Ici, c'est un centre médico-psychologique. Qu'est-ce qu'on en a à faire de vos histoires en vrai? J'ai réussi à te faire appeler un CMP, tu te rends compte? Ouais. Mais elle a eu aucune réponse et elle n'en aura jamais, ils me connaissent pas. Tu vois le truc? Moi, je les fais gober tout ce que je veux. Tellement cette sphère, elle est timbrée. Au plus c'est gros, au plus ça marche. Demain, je te fais un prank de derrière les fagots et mais hein, il doit être bien placé aussi pour faire ce genre de truc, parce qu'il déborde d'imagination. Il tombe dedans. Tellement vous êtes naïf. Faut arrêter la naïveté 2.0 là. Faut arrêter de croire que là-dedans, il y a des gens sincères ou pas. C'est tous des fils de pute. Chanman, ne crois pas, ne sois pas naïf au point de croire que les gens, ils t'aiment bien. Si demain, tu vas dire quelque chose qui va les déranger. Ils vont te lyncher sur la place publique. Moi, je te le dis. Ils n'auront aucune hésitation. Tu les connais mal, hein. Oui, mais ne crois pas. Ne crois pas que parce qu'ils passent la pommade, ils te disent bonjour, mon petit chadou. Oui. Méfie-toi de cela. Te méfie pas de ceux qui disent les choses cash. Méfie-toi de ceux qui te passent la pommade. C'est d'eux qu'il faut que tu te méfies. Eh oui, ne fais pas le gilbou. Il y a des profils là-dedans, on les repère Il suffit que tu les écoutes une ou deux fois, tu as compris les personnages. Tu sais, ils n'ont pas fait ma spé hein, là-dedans. Hein. Ils n'ont pas fait. Hein. On n'a pas affaire à des génies. Hein. T'es trop naïf, Shalman, t'es trop naïf à vouloir que cette sphère soit une sphère où tout le monde s'entend, tout le monde fait la paix. Tu n'y arriveras pas. Je te le répète encore une fois, tu es dans une sphère de clash. Cette sphère, elle est née comme ça. Il n'y a que des clashs. Là, aujourd'hui, LPST fait profil bas. Il fait un live sur un sujet parce qu'il sait très bien, c'est le calme avant la tempête. Il lui-même sait que ça va péter. Là, pourquoi il a précisé pas de game? Il va dire, moi, Sandrine, je ne t'ai pas attaqué le premier. Bon, tu m'as fait un poste où tu ne me cites pas. Tout le monde a compris que le poste, il était pour moi, tu vois. Eh bien, va voir son poste déjà. On pote là. Et tu sais, je me connais mieux que toi, LPST, tu sais pas, toi. Là, sauf que là, LPST se dit, putain, si Morel elle se remet sur mon dos, c'est mort. Il le sait qu'il ne peut pas déconner, il est sous contrôle judiciaire. Mais attends. Il a des problèmes à cause de quoi? Non, mais réponds à ça. Il a des problèmes à cause de quoi? À cause de YouTube. Moi, je suis désolé, j'aurai les problèmes qu'il a. J'aurai la justice au cul. Je serai sous contrôle judiciaire. Je quitte YouTube. J'arrête. Tu veux pas de problème, t'arrêtes. Exactement. Il a eu des problèmes avec la première cagnotte. Ça lui a pas suffi. Il a été convoqué à la brigade financière, machin, blabla. Il a refait une deuxième. Donc, c'est quand même la même. De tous les conflits en plus. Ouais. Il se mêle de tous les conflits. Si. Salman, il n'y a pas de fumée sans feu. Si le mec, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et l'amende, 3 000 euros d'amende. C'est un babouin harceleur notoire. Si. Mais si, mais il a été condamné pour quoi? Il a été condamné, cet harceleur! Mais si! À 12 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende à ta victime, c'est pas une condamnation pour toi, c'est quoi? Il est sous contrôle judiciaire, hein? Il va pointer au commissariat tous les mois, il voit un SPIP, hein? Ça, non, tu dis. Moi, je te dis oui. Moi, je te dis oui, Shalman. Et là, il sait très bien que. Là, il y a le James Clackett qui a déposé plainte contre lui. Qui a déposé plainte contre lui. Il a encore 4 ou 5 plaintes au cul, il va repasser devant la justice. C'est un harceleur notoire et condamné. Écoute, moi je te parle en termes judiciaires, c'est un harceleur notoire et condamné. Shalman, quand tu lui es condamné une première fois et que tu es sous contrôle judiciaire, pendant 2 ans, il n'a pas le droit de moufter. Là, ça s'arrête, je ne sais plus quand la date. Là. Mais là, comme il continue à harceler des gens, il continue à s'attaquer à des gens, ces mêmes gens, peu importe qui c'est, que ce soit le Curton, le James ou je ne sais pas qui, déposent plainte contre lui, il va manger son sursis. Il va rentrer. Moi, je te le dis, il va rentrer. Eh bien, tu verras. Écoute, quand tu te prends 12 mois de prison avec sursis, amende, machin, blabla, suivi psychiatrique obligatoire. N'oublie pas que l'été dernier, il a passé 15 jours en psychiatrie. Moi, il m'a fait des menaces. Hein. Moi, il m'a fait des menaces. Je vais porter plainte. Hein. Moi, il m'a menacé alors qu'il ne connaissait pas une histoire, quelque chose de grave. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Je n'ai pas parlé, moi. Toi, tu la connais, je suis d'accord, mais pourquoi il s'est mêlé de ça et m'a insulté? Ben voilà, ben alors, par solidarité, ben alors s'il y a une plainte, faut pas qu'il pleure. Et si jamais vous êtes convoqué, faut pas me dire « Ouais, mais dis, t'es un mauvais. » Alors que moi, je voulais pas parler de cette histoire. Non, c'est pas du game, ça. Non, pas là-dessus. Là, ça, c'est pas du game, Shadman, je regrette. Moi, du game, c'est de la rigolade. On taquine, on rigole. T'as bien vu, pour moi, ça, c'est du game. Mais ton histoire à toi, il y a quand même une personne qui est décédée, pas à son âme. Donc ça, pour moi, c'est pas du game, gros. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais, mais c'est toi qui l'as sorti. Voilà, tu t'en rappelles, c'est toi qui as sorti cette affaire-là. On en avait même parlé en privé quand il y avait Rifiak Tema et compagnie. On en avait même parlé en privé. Rappelle-toi bien. Je sais qu'il n'y a plus de Rifiak Tema, mais on en avait parlé. Il y a même des trucs que je n'ai pas sortis en live. Il est là. Il est là, j'ai le bout. Bah, il est là, t'inquiète. Hey, il est là. Hey, toi qui es le roi des trolleurs, il n'y a que toi qui troll? Quand même. Toi, Dis-toi que t'as les autres. trollé 2 ans, toi? Ouais, t'as trollé 4-5 ans, toi. J'y crois, celle-là. Surtout que moi, tu m'as trollé 4 ans. Shadman, tu mens comme tu respires. Shadman, j'ai la notion des dates. T'as affiché mon visage et tout, c'est toi qui as affiché mon visage. Et tu as affiché mon visage en fin 2013. Mais attends, je suis pas occupé à chouiner. Tu me dis que, regarde, tu vois, tu es occupé à tout mélanger. Tu me dis que tu m'as pas trollé alors que c'est toi-même qui as affiché mon visage en fin 2013. Tu as été dénoncé en fin 2018. Ben voilà. Ben ça fait 5 ans, t'as pas trollé 2 ans. Tu vois, tu te contredis. Non? Mais non. Non, non, même avant, c'est en fin 2013 que tu as sorti. Même, allez, fin 2013, début 2014, que tu avais sorti ma tête. Voilà, bah alors, tu as trollé depuis autant. Tu vois, tu te contredis, mon petit chadou. Mais si, mais si. Non, parce que moi, je m'en fous. Bon, moi, c'est des histoires, je m'en fous. C'est juste que, voilà, quand tu veux te mêler d'histoires qui ne te regardent pas, des fois, il faut assumer. C'est-à-dire? Ben attends, pourquoi j'ai sorti ça? Attends, c'est qui en a parlé? C'est moi qui en a parlé? Non. Non. C'est quelqu'un qui est venu te poser une question à toi. Et toi, t'as commencé à bégayer et compagnie. Moi, je t'ai dit, je t'ai fait descendre du live, tu voulais qu'on en parle en public. Je t'ai fait descendre du live, après je voulais même me barrer parce que je me suis rappelé de cette histoire-là, de ce que tu m'avais dit même en privé. Je me suis dit, c'est chaud quand même ce truc-là. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'en ai pas parlé, je me suis barré. Toi, le lendemain, tu as été sur le live du Babouin parler. Donc c'est qui en a parlé? Si tu aurais dit à ces gens-là, ça vous regarde pas, ça vous regarde pas, c'est entre nous, ça vous regarde pas, moi j'en aurais pas parlé. Mais toi, comme tu as voulu essayer de jouer la victime dans cette affaire-là, alors que moi j'avais rien à voir là-dedans, tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi j'ai répondu, tu me connais quand même. Mais non, je ramène pas les anciennes histoires, c'est toi qui as voulu, t'aurais dit non, Shagman, c'est pas difficile à comprendre, j'ai l'impression que tu le fais exprès là. Chadou, j'ai l'impression vraiment que tu le fais exprès. Quand ils sont venus te parler, que ce soit Sandrine ou les autres, t'aurais dit non, ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde ni à toi, ni à Sandrine, ni à n'importe qui. C'est entre nous, c'est bon, c'est du passé. Moi, j'en aurais pas parlé. Tu as été le lendemain parler en disant non, si, ça. Et moi, j'ai répondu par rapport à ça. Donc non, je ne me mêle pas de ce qui me regarde pas. C'est sur mon live que ça s'est passé et c'est toi qui as bégayé quand il t'a posé la question. Donc si ça se serait passé ailleurs, j'en aurais pas parlé, Shadman. Mais Shadman, c'est qui a commencé à jouer, à sortir des vieilles vidéos? Shadman, tu me connais. Au lieu de venir et me dire non, le King, c'est bon, tranquille, toi tu joues dans le jeu. Moi, je me suis dit, il veut que je m'embrouille avec le babouin. Parce que je sais que moi, je me rappelle, dans tes lives, t'appréciais, tu l'as dit dans le live où est-ce qu'on t'a débunké, tu l'as dit clairement, j'appréciais quand tu t'embrouillais avec un tel ou un tel. Je me suis dit, il veut refaire ça avec moi, c'est pas possible. Je vais pas retomber dans le piège. Non, pas ça, pas ça. Moi, j'aime bien rigoler. Shadman, Shadman, rigoler. C'est pas du game, ça. Ça, c'est pas. Je t'ai dit l'histoire avec ce que tu m'as expliqué. En tout cas, ce que tu expliquais en privé avec Rifia et tout, c'est pas du game, ça, gros. de la rigolade du game, un Jamel qui monte, qui lâche 2-3 feintes, moi je lâche 2-3 feintes, on rigole. Oui, ça c'est du game, c'est de la rigolade. Mais le restant, non, Shagman, ça j'aime pas. Et surtout que toi, tu dis, ouais, j'aime bien le game et tout, c'est toi qui a repris toutes les vidéos qu'on avait à l'ancienne. Donc, c'est toi qui adore ça. Je suis sûr que tu dois les regarder, tu kiffes, t'en plein kiffes. Tu dis, ah, le King à l'ancienne, ah, ça. Ouais, mais nostalgie, certaines vidéos collector, mais pas tout enregistré. Moi, par exemple, il y a une ou deux vidéos collector que j'ai. Ouais, toi, c'est limite pathologique. Ouais, c'est ça le truc. C'est que toi, tu as vraiment tout un bazar. Même sur moi, tu avais tout alors que tu avais dit que tu avais effacé. C'est ça que je me suis dit. Il recommence, en fait. Mais regarde, même si je t'ai démarré, tu étais censé avoir effacé toutes ces vidéos, Shadman. Voilà, Shadman. Mais qu'est-ce que ça te procure, Shadman, entre nous? Qu'est-ce que ça te procure d'avoir ces vidéos, entre nous? C'est des vieilles vidéos privées, des vieilles vidéos. Dis-moi, au moins, tu me le dis. Mais je suis d'accord, mais tu les ressors pas, tu ressors les vidéos sur les gens. Guerre, la première chose que tu as fait, c'est ressortir des vieilles vidéos sur moi. Mais pourquoi tu gardes ces vidéos-là? Moi, je comprends pas. Il y a un truc, Shadman, il doit avoir un truc, c'est pas possible. Moi, je veux bien. Moi, il y a d'anciennes vidéos, par exemple, que j'ai, ou même le live que j'ai là, c'est parce que j'avais désactivé ma chaîne et c'est toujours sur ma chaîne. Mais j'ai pas des disques durs avec des vidéos de vous, les gars. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je comprends pas le concept. C'est ça que je comprends pas. Tu vois comment? J'ai pas des disques durs avec des vidéos de toi, par exemple, même des vidéos à l'ancienne. Ou par exemple, je t'aurais trollé comme toi, parce que ça, c'est des vidéos où toi, je te répondais parce que tu venais en troll. Donc moi, j'ai pas des trucs comme ça, Shadman. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est quoi le délire avec toi? Ah, t'es un sacré passe-palais, en tout cas, Shadman. Le fait, Shadman, que t'aies gardé toutes ces vidéos pendant des années, ça prouve que t'as rien effacé et que t'es pas passé à autre chose. C'est ça. Parce que toi qui dis que maintenant tu veux du calme, le monde de bisounours, tu veux plus de clash, tu veux plus ci, tu veux plus là, mais si tu étais vraiment dans ce délire-là, tu aurais tout effacé de ton ordi, tu n'aurais rien gardé de cette époque-là, et tu continuerais pas, parce que toi-même tu nous as avoué dans un live privé avec le King, la première fois qu'on a fait un live privé, que tu continuais à enregistrer tout le monde. Eh ben, je suis désolé, c'est malsain. Déjà, tu enregistres les gens, tu sais que ce n'est pas légal. Tu n'as pas le droit, même que c'est des lives publics, tu n'as pas le droit de les enregistrer sans l'accord des gens, tu le sais ça. Et surtout pour les ressortir après, dans un but de nuire, comme tu as fait avec moi. Parce que moi, les trucs que j'ai ressortis, c'est en public par rapport à l'affaire. Même si on devrait aller sur un terme judiciaire, c'est par rapport à une certaine affaire. Moi, je n'ai pas ressorti des trucs de toi en privé ou quoi que ce soit. Pourtant, je vous le boue. Il a enregistré quand on était en converse avec ta mère et ta sœur. Est-ce que moi, j'ai sorti un truc de chemette comme ça, non? Des bouts, non. Il y a une différence entre des bouts où tu te fais te mettre en PLS ou plutôt t'avoues les trucs, ok? Et je sors des bazars privés où, tu vois, par exemple, voilà, avec ta sœur, quand on est, parce que moi, voilà, il y a des trucs que j'ai entendus, j'étais là. Est-ce que moi, j'ai fait ça, non? Moi, je ne rentre pas dans les trucs dégueu. Non, j'ai répondu parce que j'ai vu que tu voulais me ramener dans les trucs, Shadman. Tu vois, tu comprends, tu dis j'ai fait que ça. Non, parce que tu ne me connais pas. Si j'aurais voulu vraiment appuyer sur le truc, tu serais devenu ouf. Et moi, ce n'est pas le but. Moi, je voulais juste te faire comprendre qu'il ne faut pas me ramener dans les affaires bizarres. Je voulais juste te faire comprendre ça. C'est-à-dire, ça dépend quel game. Rigolade, oui. Mais non, ça dépend ce que vous appelez le game. Parce que toi, tu appelles le game certains trucs qui, pour moi, ne sont pas le game. Donc, il faut me dire ce que tu considères comme le game. Non, pas me moquer, non. C'est pas vrai. On apprend, on échange avec les gens, on rigole. Je suis pas que dans la moquerie. Si après je vois des jaloux comme le Saïd ou d'autres, ben oui, je l'ai fait, mais sinon, non. Même toi, je n'étais pas dans la moquerie avec toi. Et pourtant, toi, tu t'es moqué de moi avec plein de cons. Tu m'as fait des trucs zéophiles et tout. Là, tu me parles du début, mais c'était même, c'était de la taquinade. C'était dans les débuts. Après, on s'est, je vais dire, il y a eu tous les, même après, tu vois, quand je t'ai fait les vidéos, comme tu dis au début, eh ben, même après, quand on s'était parlé, je disais, Shadman, c'était un bon. Si tu me racontes, c'est pas parce que je t'ai fait une fois une vidéo où je t'ai lâché deux, trois feintes, comme j'ai lâché des feintes à tout le monde. Rifia aussi, elle m'avait lâché des feintes. Est-ce que j'en voulais à Rifia? Non. Elle m'avait parlé, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de souci. C'est après, quand il y a eu tout le bordel. Parce que je suis fâché sur certains trucs par rapport à elle. Moi, après, on l'a re-eu en privé, ce que tu sais pas, avec Pucci. Elle avait envoyé un clon d'eau, elle s'était embrouillée. Et elle prend vraiment ça. Hein. Toi, tu te trompes, hein, elle prend vraiment ça. Hein. Quand je dis que c'est une camée, elle prend de la blanche à fond. Ça fait combien de temps que tu l'as plus vue? Ok, donc 2019 que tu l'as plus vue en réel. Voilà. Ok, 2019 que tu n'es plus en contact avec. On est en 2026. Pucci, il habite à Marseille. Pucci, il habite à Marseille, tu es d'accord avec moi? Pucci, il l'a vu. Pucci l'a vu à 200%. Pucci l'a vu. Il a croisé parce qu'il a reconnu sa tête. Il m'a dit, elle est toute mec, toute rongée. Mais il l'a vu il y a quelque temps. Et c'est pour ça que on sait qu'elle tape parce qu'elle était avec des clans d'eau. Une fois, on l'a eu en appel. Moi, tu sais qu'elle m'a appelé, Rufia. Mais oui, tu le sais. Attends. Rifia, elle ne m'a pas appelé. Ben ouais. Mais elle est avec des clans d'eau. Mais toi, oui, soit tu es dans un délire total, soit tu es dans un. Ou tu te fous de ma gueule. Mais écoute, quand elle m'a appelé Rifia Ktama, on parle bien de la même Rifia Ktama, là, elle était chez des clans d'eau. Chez des clans d'eau à Marseille. Et une fois, j'ai fait un groupe, il y avait Pucci, et elle était directement sur le qui-vive. Pucci m'avait dit, je te parle de ça il y a quelques années, hein. Je crois que c'était aussi 2019, 2020, un truc comme ça. J'étais encore avec Pucci en privé, et donc je fais un groupe avec elle. OK? Elle le prend direct, elle est sur le qui-vive, elle passe le clan d'eau. Le clan d'eau, il se prend la tête avec Pucci, il commence à parler, c'était deux mecs de Annaba, tu vois? Il commence à se prendre la tête, viens, no why, tac, tac, tac, tac, tac, je te parle sérieux. Donc moi, tu vois ce que je suis occupé à t'expliquer, je l'ai vu, elle est chez les clans d'eau, elle tape de la blanche. Ça va. Ça, frérot, tu sais quoi? Tranquille. Ça va? T'as raison. Ça veut dire que tu la vois encore. Mais tu l'as vu 5 ans. Écoute, tu l'as vu 5 ans. OK. Depuis 2019, tu ne l'as plus vu, tu m'as dit. Shadman, il ne veut pas tout dire, mon petit Shadman. Oui, mais regarde, tu n'es plus en lien avec elle. Ok, t'es plus. Ça fait, c'est quand la dernière fois que tu l'as vue, puisque tu peux m'affirmer que ce n'est pas une camé. Ah ben, tu peux me l'affirmer. Moi, je t'affirme le contraire. Tu peux me l'affirmer. Donc, ça veut dire que tu l'as vue après Pucci, alors. Ça veut dire que tu l'as vue après 2022, 2023. Ah ben, comment tu peux m'affirmer quelque chose alors que Pucci, il est sur Marseille, il l'a vue et toi, tu n'es plus en contact avec? Mais le gars, il vit sur Marseille. Shadman, tu ne vis pas sur Marseille. À moins que tu sois en contact avec et que tu la vois en visio et que tu sais où est-ce qu'elle est, puisque quand je te dis qu'elle est chez des clandos, tu me dis que non. Alors que moi, je te dis qu'elle était chez des clandos. Quand elle m'a appelé, elle était chez des clandos. Mais non, tu vois. Mon but, c'est de quoi? C'est toi qui parles de Rifia. Tu dis que j'ai dit que c'était une carrée. Mais je m'en fous, ma gueule. C'est toi qui m'as dit, regarde, hé, frérot, réécoute quand on parle, ok? Moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as parlé, tu m'as dit, ouais, non, toi, tu m'as fait des vidéos et t'as aussi parlé de Rifia, c'est pour ça que je t'ai dit si ça. T'as dit que c'était une camée. Mais moi, je t'ai dit pourquoi j'ai dit que j'étais une camée, ma gueule. Salman. Ah, vas-y, Salman, regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu dis, quand tu parles de Sophia, on va comme ça, on va basculer personne. Tu dis, c'est des gens bien, c'est mes amis, machin. Moi, je te dis, c'est pas tes amis. Et de deux, tu les connais pas. LPST, il est tombé en prison pour de la drogue. D'accord? Il est... il est rentré pour ça. Donc, si je te dis LPST, il drogue, tu vas me dire, non, LPST, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui se drogue. Il a quand même fait de la prison pour ça. Tu vois? Donc, quand on te dit, mais il y a des signes, Sandman. Moi, j'ai Marseille. J'ai habité pendant 15 ans. Moi, je connais très bien à Marseille les quartiers qu'il ne faut pas fréquenter. Moi, de toute façon, je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. Je ne toucherai jamais. Mais moi, tu ne me voyais pas traîner dans certains quartiers de Marseille. Parce qu'on sait très bien que dans certains quartiers de Marseille, on sait ce que c'est. Si tu y vas... qui ne va pas pour boire un coup là-bas. Tu vas boire un coup au Vieux-Port, hein, ou sur la Corniche. Tu ne vas pas dans certains quartiers pour boire un coup, te balader. Salman, comment tu peux être autant naïf sur la vie en général? Je ne comprends pas. J'ai du mal à cerner ta personnalité parce que je ne te comprends pas. Non, Salman, j'ai l'impression qu'il veut pas, il se voile la face pour les gens qu'il a envie, il se dit ouais, c'est mes amis. Quoi. Et comme Rifia aussi, Non, mais par contre, Salman, il va falloir que tu te secoues un petit peu là et que tu arrêtes d'être naïf en vrai. T'as quel âge, Salman? Zarma, 41 ans. Tu sais qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Le Père Noël, il n'existe pas. Et le saucisson, il ne pousse pas sur les arbres, t'as vu? Même mes filles de 22 et 20 ans, parce que le problème, Shadman, il n'a pas beaucoup sorti. Et quand il est sorti, par exemple, même avec ses trifiels, il était mal entouré. Donc lui, quand il était plus jeune, il n'a pas eu un entourage où il a un peu bougé comme nous dans les quartiers aussi ou ça. Tu vois, on bougeait même quand on était jeune, on avait une certaine expérience de la vie. Et même avec les plus grands, nos parents nous expliquaient les trucs. J'ai l'impression que Shadman, il n'a pas eu ça. Il est souvent resté à la maison. Shadman, comme il dit, un peu casanier et tout. Et il n'a pas su un peu s'adapter. Les personnes qui l'ont ramené, ce n'est pas des personnes nécessairement qui voulaient son bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un problème. En fait, tu veux me faire comprendre qu'il n'a jamais été entouré de bonnes personnes, quoi. Non, moi, je suis quasi sûr et certain. Moi, j'en suis sûr et certain. Parce que moi, quand je l'ai connu, je ne sais pas dans sa jeunesse comment ça se passait, mais quand je l'ai connu, après, il a été repéré par chez Trifia. Et pour moi, chez Trifia, ce n'est pas une bonne personne. Peu importe ce que lui va dire. Mais pour moi, vu de l'extérieur, son passage là avec Rifia, ça a été très mauvais. Non, mais c'est moi, rien, ça, on s'en fout. C'est parce que c'est une personne que vous connaissez en commun. Arrête, écoute, de te braquer à chaque fois. C'est entre nous. Moi, je ne suis pas occupé à dire ci, à dire ça, moi, quand je dis Rifia, parce que Rifia, elle a fait partie de ton parcours et Rifia, elle t'a trollé. Non, mais Salman, écoute-moi, écoute-moi. Je vais te dire un truc. Moi, des amitiés, j'ai des amitiés de 22 ans, machin, c'est pas des amitiés virtuelles. Je te parle des amitiés réelles. Tu vois, des gens que tu appelles à n'importe quelle heure, 1 h du matin, 2 h du matin, comme hier, c'est arrivé. Bon, hier, il y avait mes fils, j'ai appelé des gars. Mais moi, j'appelle mes potes 1 h du matin, 2 h du matin, je les appelle même pas. J'envoie un texto, dans les 5 minutes qui suivent, ils sont là. Tu vois, c'est ça, des vrais amis pour moi, tu vois. C'est quelqu'un qui va se lever la nuit pour venir te voir. Toi, j'ai l'impression que ça, tu ne connais pas. T'es trop, oh, t'es matrixé en fait. Pour moi, je te vois comme quelqu'un de matrixé, que tu ne connais pas les choses de la vraie vie, du réel. Hein, quand tu nous dis sortez, allez marcher. Arrête de nous dire ça déjà. On va marcher si on veut. Hein, on a des problèmes de santé, on fait ce qu'on peut. Donc moi, je n'ai pas à me justifier là-dessus avec toi. Mais ne crois pas, écoute, quand tu auras fait, tu sais, moi j'étais en Angleterre, j'étais en. Bref, si tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, tu vois. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as rien fait complètement dans la tienne pour en arriver à 41 ans à être aussi naïf pour les gens. Non, mais Sandrine, sans être méchant, tu vois, et Shadman, en fait, Shadman, il n'a pas beaucoup bougé, donc il est resté à la maison, et de la maison, là maintenant, ben, il a son petit appart, tu vois, mais il est souvent resté à la maison, il était dans sa petite chambre avec son lit clip-clap et il jouait à la PlayStation, tu vois. Et Chaman, donc, mais je peux te poser une question c'est indiscrète? pas de la moquerie ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pour te mettre un peu dans le contexte que Shadman, il est là, et des fois, il croit à certains trucs, ou des fois, quand tu vas lui donner un conseil, mais il va croire que tu veux le baratiner, quoi, alors que c'est un... Moi, Chatman, j'ai bougé dans ma vie. C'est pour ça que je peux me permettre de donner des conseils. Mais toi, Chatman, comme t'as pas... tu crois Chadou, qu'on est-ce que peut je te peux te ramener dans poser une le truc? question un peu indiscrète? Après, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Est-ce que tu as déjà avec quelqu'un? Est-ce que tu as déjà eu une femme dans ta vie? Est-ce que tu as été en couple avec quelqu'un? Tu as eu une chérie? Tu as déjà eu une chérie? Mais tu as vécu avec elle et tout? Non, non, non, non, non, non. Ouais, mais t'es passé à l'acte ou pas, Chadman? Non, mais donc tu sais même pas ce que c'est que de vivre avec une femme. Moi, gars, moi, j'ai été mariée. Après, mon mari, il est décédé. 2 ans après, j'ai rencontré le premier monsieur. Attends, 2 secondes, 2 secondes, Sandrine. Ne me dis pas que tu me parles de Rifia quand même, hein. Hein, avant YouTube. Ok. Oui, bon, ma question, c'est hors YouTube, hein. Je ne parle pas de YouTube, moi. Ouais, mais t'as déjà travaillé dans ta vie, Shalman? Parce que là, tu ne bosses pas en ce moment. Moi, je te sens. T'as vu, après, c'est que mon ressenti. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Hein. Je te ressens quand même comme quelqu'un de vachement isolé. Mais c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est le cas, il est mal entouré, là. Il cherche en fait des amitiés. Et que du Des coup, fois... tu te rattaches à des amitiés, des pseudo-amitiés virtuelles qui n'existent pas. Ces gens-là, tu ne les verras jamais en vrai. Hein. Tu ne les verras jamais. Ne crois pas que tu vas rencontrer un LPST ou un Mike Rossi ou une Sophia. Hein. Tu ne les verras jamais. Non, c'est pour t'expliquer que tu peux pas te rattacher à des gens pour qui tu n'existes pas en vrai. Mais quelles ambitions? Mais fais ta BD. Pourquoi t'as arrêté le PDS? Non, mais ça, tu gagnes Écris pas des ta vie histoires, avec tu tout ça, réécris wesh. les histoires de la sphère YouTube. Parce que tu gagnes pas ta vie avec ça, Shadman. Ouais, donc en fait, t'as jamais eu quand même un travail où tu sais pas ce que c'est que d'avoir des collègues de travail, tu vois? Non, mais là, si tu ne travailles pas, si en ce moment tu ne travailles pas, pourquoi? Pourquoi tu ne travailles pas à 41 ans? Tu n'as pas de problème de santé, tout ça, tant mieux pour toi. Mais pourquoi à 41 ans tu ne travailles pas? D'accord, donc tu as un handicap, tu touches l'allocation adulte handicapé. Non, mais n'aie pas honte de ça. Hein. Moi aussi, je la touche à cause de mon cancer. Hein. Donc, il n'y a, y a pas de honte à reconnaître qu'on touche l'allocation adulte handicapé. Moi, je l'ai, hein, Chanman. Je l'ai à cause de mon cancer. Non, J'ai mais pas de honte à dire. c'est après ton passage en psychiatrie que tu as eu ça. Ok, ça c'est ton droit, ça c'est ton droit. C'est pas du YouTube, ça c'est ta vie privée, tu as tout à fait le droit de pas en parler. Oui, non, mais il n'y a pas de honte à Chanard. Moi, j'ai été opérée, on m'a enlevé la thyroïde, j'ai eu un cancer de la thyroïde. C'est depuis ce jour-là que je touche la hache. Avant, je travaillais. Hein. Moi, j'ai eu deux restos, un en Corse et un à Marseille. J'ai toujours travaillé, j'ai travaillé toute ma vie, tu vois. Il n'y a pas de honte à ça, Chanard. Hein, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas le juger. Hein. Et je ne vais pas parler de ça sur YouTube. Parce que là, on est en privé, on n'est pas sur YouTube, là. Hein. Moi, demain, je peux me disputer avec toi. Ce qui s'est dit aujourd'hui avec Mehdi, ça ne va pas ressortir en live. Hein. Moi, je sais faire la part des choses entre YouTube et pas YouTube, tu vois. Par contre, quand moi, je m'aperçois que des gens de YouTube me prennent pour une conne, que ce soit en off ou en live, moi, je ne fais pas dans le détail, Shalman. Moi, ces gens-là, j'attends rien d'eux. Toi, si tu veux pas être déçu, moi, la vie m'a appris ça. C'est si tu veux pas être déçu des gens, n'attends rien. Moi, j'attends rien des gens de cette sphère. Donc, je ne peux pas être déçu en vrai. Hier, c'est parce que j'avais appris pour mon problème de santé, machin, blablabla. J'étais encore sous le coup de l'émotion. J'aurais dû attendre que ça passe, tu vois. Parce que ça va me passer. C'est comme ça à chaque fois. Puis, de toute façon, tant que je ne suis pas fixé, je ne vais pas m'affoler. Mais si je n'avais pas ouvert de live hier, j'aurais ouvert aujourd'hui dans un tout autre état d'esprit, tu vois. Et je ne vais même pas leur parler de ça en live. Ils seraient trop contents. Ils vont se dire, ah putain, elle va bientôt crever, la connasse. Ils seraient trop contents de jouer de ça, tu vois. Donc, moi, c'est pas parce que je suis pas Sophia. Regarde, Sophia, pourquoi elle parle plus de ses problèmes de santé en live? Parce qu'on lui a dit d'arrêter. On lui a dit d'arrêter de raconter sa vie là. Parce que là, si elle devait raconter tout ce qu'elle m'a raconté en off, je lui dis, mais ils vont tous se foutre de ta gueule encore. Ils vont dire que tu le fais exprès. Ben, même moi, j'ai du mal à croire tout ça. Donc, imagine eux. Tu vas te faire ratatiner comme une crêpe. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. Elle, t'as un problème aux ovaires. T'as un problème au sein, t'as un problème au cul, t'as rien, tout va bien. Écoute, je suis une femme, Chalman, tu vois, tu peux pas cumuler comme elle est jeune, Sophia. Et il faut arrêter. L'autre jour, je lui dis, oh, le matin, tu te touches pour savoir où t'as mal ou quoi? Faut arrêter de s'inventer des trucs, tu vois. Parce que moi, quand je te dis les résultats ils sont tombés hier, je peux te les donner. J'ai un papier qui le dit. Elle, quand elle te dit, ouais, mais j'ai ça, attends, je vais te lire. Elle me dit, je vais te lire le truc du médecin. Puis d'un coup, elle part dans un autre délire. Yo, tu devais pas me lire le truc, ton compte rendu, là? Parce que moi, je l'ai, mon compte rendu, là, sous les yeux, je peux te le lire. Hop, elle passe à autre chose. Ça veut dire que c'est même pas un compte rendu. Quand il y a une suspicion de cancer, il y a un compte rendu que tu dois donner à ton généraliste. Et après, le protocole de soins, s'il y a besoin, se mettra en place après. Mais c'est ton médecin traitant après tu le feras. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu te mets une nique, toi? Pas de mille niques, t'as vu 50 000 médecins en une semaine. Arrête. J'ai dit, t'es plus coté à l'Argus, là, t'es au courant, meuf. Moi, je lui parle comme ça, Sophia, en off. Hein. Ah, c'est clair. T'as raison, François. Elle est C'est là que c'est sans bruit. trop. Quand c'est trop, c'est trop. Moi, alors, moi, pourquoi je suis autant détesté dans cette sphère, Chalman? Parce que je suis peut-être trop franche pour cette sphère, tu vois? Mais moi, un chat, c'est un chat. Je ne vais pas appeler un chat un chien. Avec Sandrine, on va tout défourailler là. Prépare les recs là. Prépare les enregistrements là, Shanman. Non, avec Mehdi, on va foutre un bordel, on va retourner la sphère. Ah, ça c'est clair, hein? Parce que si, et s'ils veulent me diaboliser, comme tu dis toi-même, tu t'as mis, tu as verbalisé ce mot. Si, évidemment, c'est ce qu'ils font, et c'est ce qu'ils font depuis des années. Ils ne sont pas prêts à ce que je suis capable de faire. Moi, je suis la pire chétane, Mike, il l'a toujours dit. Sandrine, ce n'est pas une pute, c'est une vraie pute. Elle est capable de vous retourner la sphère en deux temps, trois mouvements. Elle va te foutre un bordel et sans alcool. Hein. C'est là où elle est la plus dangereuse. Hein. Quand elle a fait l'apéro, Marliche, à la limite, si elle est triste, elle va pleurer, ça, ça passe. Et quand elle n'a pas bu, elle va vous déglinguer, elle va vous ratatiner. Et là, Mike, il sait très bien qu'hier, il a merdé. Hein, la preuve, c'est qu'il n'a pas appelé. Il sait hein, quand il merde. Et là, LPST, il sent la patate arriver avec son poste à rallonge, là. Vas-y, lui, arrête de te servir de chat GPT pour me faire un poste sans faute, là, parce que ton poste, là, son poste d'hier, là, qu'il a mis après mon live, ça va, arrête de te servir de chat GPT, s'il te plaît. Hein, quand moi, je fais un poste, qu'il y ait des fautes ou pas des fautes, c'est moi qui l'écris. C'est pas chat GPT, tu vois. Mais depuis quand un primate tout développé, il sait écrire? Hein? Non. Moi, justement, avec toi, ça m'a permis de voir qui il était, ce poulet. Non, Shadman, tu ne peux pas imposer. Shadman, toi, il y a des gens que tu n'aimes pas, tu ne les aimes pas. On ne te demande pas d'arrêter de les détester. Tu ne peux pas imposer que ce soit à Mehdi, encore moins à moi, avec tous les gens que j'ai sur le cul en ce moment. Tu ne peux pas me dire arrête ou arrêter avec un tel. Va leur dire à eux déjà d'arrêter. Fais le tour. Voilà. De Morel. Moi, maintenant, Sandrine, c'est ma protégée maintenant. Celui qui veut tester Sandrine, ça va être chaud. C'est tout. Voilà, ils sont contents, ils ne sont pas contents, ils ne vont pas les couper. Je ne pourrais pas être ta mère parce que tu as 41 ans. Et je vais en avoir 55, donc je ne pourrais pas être ta mère. Et c'est comme si j'aurais 10 ans de plus et que j'aurais l'âge d'être ta mère. Et que tu continuerais à cautionner des harceleurs. Et je te dirais, mais va te faire enculer, Shadman. Si toi, tu es le roi des trolleurs, moi, je suis la reine des putes. Je vais te faire la misère, mon gars. Et tu sais très bien de quoi je suis capable au micro. Hey, j'ai 20 ans de milieu de nuit, mon gars. Des petits rigolos comme eux, je les ai vus dans le réel. Ils m'ont pas fait peur. Moi, mes potes, ils étaient en prison. Ils étaient en garde à vue. Je ne pouvais caver rien. Je disais, moi, je sais pas. Moi, je connais que mon nom. D'abord, les flics, quand ils me voyaient arriver en garde à vue, ils disaient, elle connaît que son nom et son prénom. Elle sait jamais, elle est amnésique, celle-là. J'ai jamais, moi, c'est pas mon truc, balancer, machin. Je l'ai jamais fait dans le réel. Je vais pas le faire dans le virtuel, Shalman. Tu vas rien calmer du tout. N'aie pas cette prétention de croire. Là, par contre, c'est un peu prétentieux ce que tu es en train de dire. Crois-moi que tu ne vas rien calmer du tout. Et moi, je te conseille, parce que si tu essayes, ils vont se retourner contre toi. Un Mike Rossi, il va se retourner contre toi, puissance 5000. Sophia, tout ce qu'elle nous a dit sur toi en live, en off, elle va le balancer en live. Tu n'es pas prêt quand elle va te dire ce qu'elle pense de toi en vrai, en live. Oh, non, tu n'es pas prêt, hein? Hey, tu sais que moi, je me suis engueulé avec Sophia à cause de toi, parce que je lui ai dit, hey, pourquoi tu le fais toujours taire? T'as cru que c'était ta pute, c'est ton meuble, lui? Je dis, à chaque fois qu'il prend la parole, tu lui coupes la parole. Elle me dit, non, c'est lui qui me coupe la parole, il m'énerve, il m'agace à faire ça. Dis donc, dans ce cas-là, tu ne le fais pas monter, alors. Tu dis, Shadman, ne monte pas. Parce que lui, il monte, pensant qu'il monte en soutien avec toi, machin, pour te soutenir. Et toi, comme une merde, tu veux toujours fermer sa gueule. Mais va te faire enculer, Sophia. Dis, moi, quand il monte, Shadman, quand il commence à parler, je ne coupe pas tout le temps la parole. Dans ce cas-là, tu ne le fais pas monter. Si tu veux faire ta logorie toute seule, tu la fais toute seule. Moi, je l'ai engueulé, je l'ai repris. Et Hassan, il lui a dit ça aussi à Sofia. Tu ne crois pas qu'on la reprend pas. Tu ne sais pas, toi, les offres. Tu ne t'imposes pas du tout, tu fais le toutou. Ce n'est pas une question de micro, c'est une question de caractère et de charisme. Et bien, dans ce cas-là, reste à l'écrit. Moi, je te conseille de plus rester à l'écrit. Parce qu'au micro, tu as affaire à des tueurs en ce moment. Un Mike aussi au micro, c'est un tueur. Un LPST au micro, enfin, c'est un tueur de zombie, mais bon, ils se prennent quand même pour des matadors. Et ils ont la boca, tu vois. Mais dis au micro, tu ne feras pas fermer sa gueule. Toi, il y a des gens comme ça qui ont le truc du micro. Toi, au micro, tu n'es pas à l'aise. On le sent que tu n'es pas à l'aise. Reste à l'écrit, t'es mieux. C'est mieux. Et te mêle pas. Si tu veux rester neutre, reste neutre. Mais ne cherche pas à défendre Sophia, LPST ou Mike Rossi. T'inquiète, Mehdi va le faire. Mehdi, il a la bouche. Mehdi, on va mettre en place un truc avec Mehdi. Là, pour l'instant, on attend, même si il y a déjà des trucs de sortie, mais on sait qui c'est James Claquette, machin. Laisse. Moi, je m'en fous d'eux. Eux, c'est des virgules. Je m'en occuperai quand j'aurai 5 minutes. D'abord, je vais m'occuper des grosses têtes, là. Parce que Sophia, c'est ce qu'elle dit en off. Moi, je suis une grosse tête. LPST, c'est une grosse tête. Mike, c'est une grosse tête. Et toi, tu es une grosse tête. Ah bon? Donc, toi, tu as pris le melon, ma cocotte. C'est pas le melon que tu as pris, c'est la pastèque. Donc, si toi, tu prétends que tu es une grosse tête, j'ai pas dit que j'allais l'attaquer en première. Hein. Je vais pas l'attaquer. Hein. Et Mike aussi, je sais qu'il va le faire, lui. Lui, je le sais. Demain, il y a un live. Demain ou après-demain, Max, il y a un live, il va me déglinguer. Qui? Où? Il est monté où, lui? Non, mais j'ai entendu ce live-là. Mais je me suis expliqué avec lui. J'ai pas aimé la façon qu'il a eue avec RDS de jouer en disant « Ouais, mais Sandrine, c'est bon, on la connaît. Hein, on sait. » Donc, moi, je l'ai eu à scène le lendemain. J'ai dit « Mais tu espèce de grosse merde. Je dis, tu vas t'amuser avec une RDS sur mon dos alors que tu dis que je suis ta tantine. Va te rendre plus que tu commences à me gonfler à ça. Il était encore en mode fauderche. Il était en mode trollage. Il me dit, mais non, je les ai trollés. Je voulais qu'ils restent sur le sujet. Ouais. Je dis, allez. Ça te mal. Une fois que je te prends la main dans le sac, il faut toujours que tu es toujours en mode trollage, toi. Moi, tu me trolles. Good Mimi, tu la trolles. RDS, toi, tu trolles tout le monde. Allez, nique-moi toi et ton trollage de merde. Allez. Non, mais tu ne peux pas. Shalman, tu ne peux pas. À un moment donné, il faut se positionner. Tu ne peux pas aller sur tous les lives et essayer de réconcilier tout le monde avec des gens qui se détestent. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. On reste quand même une sphère de 150 à 200 personnes. Tu ne pourras pas réconcilier des gens qui ne peuvent pas se blairer en vrai. Moi, il y a des gens, c'est impossible que tu ne pourras pas me calmer avec eux. Je vais dire, va te faire foutre, Shadman, occupe-toi de ton cul. Je m'occupe pas. Moi, la même chose. T'occupes pas des miennes. Si tu ne veux pas que je te clash, reste à ta place. Parce que si tu te mêles, là, si tu prends position avec Sophia, Mike, LPST, machin, si tu te positionnes, tu seras dans l'eau à un moment donné, tu vas te prendre une rincée, mon gars. Parce que j'estimerais que, regarde, on a passé du temps tous les trois, je t'ai parlé, je t'ai donné mon point de vue, et là, on est en off, hein, on n'est pas en live, hein, donc là, moi, je ne te troll pas. Bon, moi, je ne troll pas, déjà, ni à l'écrit, ni au micro. Et donc, j'ai dit, attends, je lui dirais, matin, il m'a pris pour une connerie. J'ai passé du temps avec eux, j'ai discuté avec eux, j'ai parlé dans le vent, en vrai. Le truc. Donc, le mieux, c'est que tu n'as pas envie de clash. On a bien compris que tu n'avais pas envie de ça. Et ben dans ce cas-là, ne prends pas parti. Tu viens, tu dis bonjour, machin. Si tu vois que ça part en couille, surtout ne monte pas. Ne monte pas. Ils ne vont pas t'écouter. Un LPST, il ne va pas t'écouter. Un Mike Rossi, il ne va pas t'écouter. Et Sophia, encore moins. Sophia, si elle ouvre en mode énervé, elle va dire, allez, vas-y, descends, toi, tu m'as gonflé. Gna, gna. Mais par contre, quand on va faire le live avec Sandrine, si tu veux monter et dire quelque chose par rapport au fait qu'ils ont insulté Sandrine, tu peux. Ouais, mais tu peux dire ton mécontentement. Parce que regarde, si on est honnête, Shadow, Ok, il y a eu des postes, ils ont repris, ils ont sorti des trucs du contexte hier. Évidemment, c'est facile de reprendre un petit morceau, mais tu ne mets pas ce qu'il y a eu avant, tu ne mets pas ce qu'il y a eu après. Ça, tout le monde sait le faire, même moi. Ça, c'est facile. Mais il y a eu des trucs sur Morel. Par contre, on n'a rien vu sur Mike. On n'a rien vu sur Rimka, qui a quand même titré ma fille. Je n'ai vu aucun poste où on reproche à Mike, ou encore plus à Rimka, d'avoir ouvert un live sur une gamine de 20 ans. Par contre, on va reprendre des brides de ce que moi j'ai dit quand j'ai vu qu'il s'attaquait à ma fille. Normal. Non, non, non, non, non, Jeanne-Marie, ce n'est pas les conséquences des clashs. C'est qu'à un moment donné, si tu veux être juste, il faut l'être de tous les côtés. Tu ne peux pas être partout comme le sucre dans le café, là. Tu ne peux pas être partout et nulle part et pouvoir être bien avec tout le monde. Tu ne pourras pas. Ah oui, Il y a toi des tu neuf, Shanman. Toi tu veux faire un truc impossible. Pourtant, je sais pas, t'es quand même. Ça date pas d'hier que t'es sur cette sphère quand même, non? Non, non, non, non, non, non, non. Avec qui? Mais jamais de la vie. Tu rigoles? T'es malade, toi. Il y a plein de plages trolls, il y a plein de plages dégueulasses avec des trucs dégueulasses. Qui est Harmonie? Où est-ce que tu as vu Harmonie dans cette sphère? Là, tu es en mode fixette. Tu as fait une fixette sur le James Claquette pour défendre LPST. Ne te mêle pas. C'est deux fadas, les deux. James Claquette, c'est un marmolin et LPST aussi. C'est deux fadas qui jouent au ping-pong. C'est un match de tennis. Tu me fais un live, je te fais un live. Tu te fais un post, je te fais un post. C'est une... Regarde-moi, je n'ai répondu à aucun post de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je n'étais en réponse de rien du tout. Je vais leur répondre au micro. Là, je t'ai dit, j'ai vu LPST ce qu'il a fait. Ok, tu ne me cites pas, tu n'as même pas les couilles de mettre mon blaze. T'inquiète, moi, je vais avoir les couilles de te citer. Attends, hop, garde-toi sur le côté. Maintenant, j'attends la réaction de Mike Rossi et de Sofia. Pas Hassan, hein. Hassan, je ne le clasherai pas. Hein. Lui, à la limite, ça va passer parce que je vais lui envoyer un texto, je vais avoir une conversation avec lui au téléphone. Lui, ça va se régler comme ça. Mais Sofia et Mike, j'attends leur réaction publique. Et je leur répondrai, pardon. Je leur répondrai en public. Pourquoi j'ai pas les miens, moi, de problème? Demande des empathies avec un Mike Rossi. Mike Rossi, il a des problèmes. Il n'a pas de problème, Mike Rossi. Hein. Mike Rossi, il est chef d'entreprise. Tout va bien pour lui. Hein. Il paye des impôts. Tout va bien pour lui. Hein. Il n'a pas de Et problème, Mike Poutine Sophia aussi, hein. Rossi. Non, non, mais Mike, justement, il ne parle pas justement de son privé. Et c'est là, lui, il a le droit de parler du privé des autres, mais lui, il ne parle pas du sien. Mais Sofia, c'est pareil, ne crois pas qu'elle a plus de problèmes que ça. Sofia, elle a une situation très confortable, elle a une baraque, financièrement, elle est très, très à l'aise. Moi, je sais ce qu'elle fait vraiment, son vrai métier, machin, blabla. T'inquiète pas pour elle, hein. À part ses petits trucs de santé, et encore, je ne suis même pas sûr. Regarde, Amédie, elle a dit qu'elle allait faire le ramadan, à moi, elle me dit qu'elle ne le fait pas. Eh ben, voilà. Quand tu veux jouer sur plusieurs tableaux en disant l'inverse à Pierre et après à Paul, quand Pierre et Paul ils se parlent, c'est le bordel, hein. C'est un jeu dangereux, ça. Hein. C'est pas une question de jugement, c'est une question de naïf. Tu es naïf, mon gars. Tu es naïf. Et il y a des situations qui te dépassent. C'est pas, je te jette pas là. Je te dis juste qu'il y a des qui te dépasse et tu ne devrais pas parce que tu n'es pas objectif. On sent que tu prends parti. Ton discours, il est guidé, il est ciblé. Il est en protection d'eux, en protection d'eux. Donc non, dans ce cas-là, ne me dis pas, je suis neutre. T'es pas neutre. Quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas. Il donne même pas son avis. Il dit, ça me regarde pas, c'est pas mes histoires. Ça, c'est quelqu'un. Nous, avec Mehdi, on est des sbeuleurs. Alors, on va dire, on n'est pas des sbeuleurs. Mais tu vas dire, mais vous faites de ma gueule ou quoi? Bien sûr que vous faites le zbeul tous les deux. Oui. Mais dis-le à sa façon, moi j'ai la mienne, je vais pas te dire que c'est pas vrai. Là, tu pourrais me dire, mais Sandrine, t'es hypocrite ou quoi? T'as vu tes lives? Oui, j'ai vu mes lives. Donc ça serait hypocrite si je te disais non. Chanman, je ne suis pas une zbeuleuse. Bien sûr que je suis. Mais t'es, n'oublie pas, garde toujours ça dans un coin de ta tête, tu es dans une sphère de clash. Ne crois pas à une entente entre tout le monde. Ça n'arrivera pas. Jamais. Là, par contre, ils veulent qu'on inverse la tendance. Ils sont en position de force, là. Ils vont dire, on a mis Morel en PLS. Tu vas voir comme tu as mis Morel en PLS. Laisse Morel, elle se repose, hein, en bonne vieille que je suis. Tu vas voir quand je vais reprendre le micro. Tu vois, la PLS. Je la mets... Déjà, la PLS, c'est un terme d'attardé, ça. Hein, c'est un terme d'ado attardé. Parce que déjà, une PLS, c'est une position latérale de sécurité, c'est un geste de secours, déjà. Donc moi, j'emploie pas des mots inadaptés. Je dis jamais PLS, PLS, game over. Eh, vous avez quel âge? On n'est pas dans une sphère de gamer ici. Hein. Mais de toute façon, on n'a pas dit, avec Mehdi, on n'a pas dit qu'on... Regarde, c'est pour ça que j'ai dit à Mehdi, on ne le fait pas aujourd'hui. Quand, là, j'ai vu la réaction de LPST, j'attends la réaction de Sophia et Mike. Et la réponse sera à la hauteur. Et... Non, mais LPST, il va voir son... D'ailleurs, Mehdi, il faudra que tu ailles le lire dans son poste, là. Comme ça, tu me donneras ton avis. Et de toute façon, il est ciblé, c'est de moi qui parle, c'est de qui il parle, de qui, du pape. La preuve, c'est que son une marche, il était sur son live. Hein. On s'en bat les couilles, ils ont parlé du petit Quentin, laisse tomber. Il n'a marqué pas de game. Parce qu'il sait très bien, LPST, que si jamais il cite mon blaze, c'est mort pour lui. Et je vais me remettre sur ses côtes comme never. Il le sait très bien. Alors là, hier, il te fait un post où tu ne me cites pas, mais je vais dire que tu me prends pour une conne, toi. Toi, t'as cru que je descendais d'un bananier, mon gars. On est dans une jungle, là. Genre, ton post, il n'est pas ciblé. Mais je m'en bats les couilles. Mais si, ce babouin... Ce babouin, il se promène de live en live comme s'il passait de branche en branche. Il était malade. Oh, il était malade, le babouin. Il avait le nez bouché, il avait un petit rhume, il était malade. Allez. Ça suffit, hein. Non. Là, Mike, il est juste dégoûté parce que son petit jeu s'est retourné contre lui, que j'ai dit qu'il voulait que je clash LPST. Du coup, et en plus, même Sophia, ça, elle était au courant. Mais ça, par contre, on ne l'a pas vu écrire, Sophia, parce qu'elle sait très bien que Mike, il m'a dit ça, elle était là. Elle ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que là, je l'aurais pris à témoin, je lui aurais dit, alors Sophia, Mike, il ne voulait pas que je clash LPST? J'ai répondu quoi? Là, elle ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai, on était trois dans la conversation. Elle ne pourra pas le nier. Sauf que là, à ce moment-là, elle n'était pas là. Elle est juste arrivée à la fin, ferme ton live, nique ta mère. Va t'occuper de tes ovaires et de tes seins et de je ne sais pas quoi, toi. Non, c'est pas une question de off, ça n'a rien à voir avec ça. Tu n'as pas compris le manège de Mike Rossi depuis des années, toi. Là, Mike Rossi, il s'emmerde parce que Couscous, il ne lui répond pas. PSG, il ne lui répond pas. Personne ne lui répond. Donc, comme il se fait chier, eh bien, il va reclasher une Morel. Sauf que comme ça fait des années que ça dure, ben, il faut que ça s'arrête. Souffre-douleur de... Comme tu l'as dit toi-même, j'ai tant diabolisé. Moi, je ne suis pas le souffre-douleur de la sœur. Hein. Pourquoi vous n'allez rien dire à Rimka? Pourquoi vous n'allez rien dire à Mike aussi? Pourquoi vous ne faites pas des vidéos à Mike? Pourquoi vous ne faites pas des posts à Rimka? Ah non, ben, on va se contenter d'en faire sur Morel, c'est bien. Voilà. Eh ben non, je suis désolé. Et tu pourras me dire tout ce que tu veux, Chanman. Tu ne vas pas me convaincre de l'inverse. Toi, quand ça te concerne, regarde, quand tu t'es un peu clashé avec Mehdi, tu as répondu. Et pourtant, on t'avait dit arrête, retire tout, machin, blabla. Bon, tu as fait le faire. tu as fini par le faire, mais quand même, tu as mis du temps avant de le faire, et bien là, tu ne vas pas me dire d'arrêter. Parce que ça ne te concerne pas en vrai. Voilà pour le truc, je bois un coca, les gars. Pas du tout à la fois. Ça nettoie, ça purge. Mais. Tu bois quoi? Du coca. Tu veux quoi? Tu veux que je picole? Après, voilà, je vais faire le gueule. Hein, tu veux que je picole? Comme ça, je vais ouvrir, je vais foutre le zbeul. Hein, Shadow? Tu me veux du mal, toi. Je mange, j'aime pas le citron. Maintenant, hé, Mehdi, maintenant, il va me dire ce que je dois boire, le gars. Ah. Oh non, mais il faut que tu arrêtes. Arrête de nous dire, allez marcher, buvez ci, mangez ça. S'il te plaît, Shadow. T'es nutritionniste maintenant. Donc, et donc, mais recentre-toi sur tes priorités. Là, il faut que tu t'occupes de ton chat. Sur de tes dessins, là, de tes trucs, machin, blabla. Passe un peu moins de temps, parce que tu passes quand même beaucoup de temps. Regarde-là, moi, j'en ai rien à foutre de ne pas avoir écouté le PST. Hein. Je ne l'ai pas enregistré pour autant, j'en ai rien à branler. Hein. T'es quand même... Moi, je n'écoute pas les lives, garde Mehdi, je me suis réabonné à peine aujourd'hui. Moi, je m'étais désabonné, il y a plein de vidéos que je n'ai pas entendu de Mehdi. Moi, quand j'arrête avec quelqu'un, je me désabonne, je n'écoute plus. Je me suis réabonné aujourd'hui. Quand je me désabonne de quelqu'un, je n'écoute pas. Hein. Je crois que je vais écouter tous les lives anti-Morel ou les jeux Arnaud, les jeux crasseux, là, ou James. J'en ai rien à branler. La blague. L'autre, il est en train de crever sur son fauteuil, il va me donner des conseils, lui. Il baigne dans sa même Sandrine. Non, mais le mec, c'est dégueulasse chez lui. Il est pourri sur lui, il est sale, il est sale. Tu vas me parler, toi, connard? Eh, vas-y, nique ta mère. Tiens, à un moment donné, j'avoue, il faut dire les choses. Hein. Parce qu'on ne croit pas que tu seras plus apprécié pour ça. Hein. Non, mais Chadman, en fait, quand il va se rendre compte qu'il se fout un peu de sa gueule, moi, je sais la réaction de Chadman. Si. Chadman, il va avoir une belle réaction. Moi, je vais rigoler, là, à ce moment-là. Je veux voir le Shadman agressif. Si, tu as le temps. Hey, Shadman, t'enregistres tous les lives et tout, tu me dis que t'as pas le temps. Ne fais pas le pilou avec moi, Shadman. Tu passes quand même beaucoup de temps à écouter, Shadman. Je te vois sur beaucoup de lives, et quand tu n'es pas sur les lives, tu es sur les tiens avec tes jeux, donc tu passes quand même beaucoup de temps là-dessus quand même. Tu es un peu matrixé. Hein. Je passe quand même moins de temps, moi, je te garantis que moi, des fois, j'écoute pas leurs lives. Regarde, là, je n'ai pas écouté le PST, j'en ai rien à cirer. Des fois, je vais écouter en replay vite fait, et encore, j'accélère, j'avance, je n'écoute pas la totalité. Moi, je n'écoute pas 5 heures de replay. Tu es ouf, toi, jamais de la vie. Quand je fais des lives, c'est déjà long. Et je vais aller m'écouter un live où je n'écris pas pendant ça. Déjà, j'aime pas être en Zoom, déjà. Moi, si je n'aime pas écouter un live où j'écris pas. Non, mais après, ne me joue pas la carte du mec débordé, par contre, tu vois. Oui, non, mais Shadman, s'il te plaît. Encore, tu bosserais, tu me dirais, je bosse, j'ai pas que ça à foutre. Je dirais, bon, ça va, t'as raison. Mais là, quand même, tu bosses pas, t'as quand même tout ton temps pour toi. Donc, tu vas pas me faire le mec des morts, tu vois. Bon, là, tu rentres dans leur jeu à eux, quoi. Il y en a combien là-dedans qui bossent pas, moi y compris en ce moment. Enfin, si, je suis en télétravail, mais ça, c'est pas pareil. Je suis sur l'ordi, mais je suis pas sur l'ordi pour du YouTube. Rien à voir. Bon, je suis en conférence visio pour le boulot. Je suis pas sur YouTube. Je passe moins de temps que toi sur YouTube. À part quand je suis en live. Moi, même des fois, Sophie me dit, t'as pas vu ça chez un tel? Non, j'ai pas vu, non. Et donc? Car quand je l'ai eu hier, là, ou avant-hier, elle me dit, viens Sandrine, on fait le tour des pages pour voir ce qu'ils disent de nous. Je dis, si tu veux, mais moi, franchement, je n'ai même pas les liens. Ah ben, du coup, on a regardé chez qui on a regardé? On a regardé chez Tala. On a regardé chez Harvey, là, le pote à One Shot. La page BTA. On a regardé la page BTA. On a regardé les bas-fonds du net parce qu'ils ont mis une photo de Sophia. Et elle, les bas-fonds du net, c'est la modératrice, l'ancienne modératrice de l'église et la grande pote à Harvey. Et là, ils ont mis la vraie photo de Sophia. Même si elle a masqué un peu le visage, mais ils ont mis la vraie photo de Sophia. Elle, c'est une anti-Sophia et une anti-Morel. On a fait le tour. Mais il y a Zédélus que je n'étais pas allé sur ces pages. Sophia, elle n'avait même pas vu qu'elle avait sa vraie photo sur les bas-fonds du net. C'est Hassan qui me l'a dit. Même moi, je n'avais pas vu. Je lui ai envoyé le lien, je dis, oh, t'as vu qu'ils ont sorti ta tronche? Elle me dit, mais c'est où? Je ne dis pas que c'est pas toi. Hassan, il t'a reconnu puisque lui, t'as vu en vrai. On me dit, si, c'est moi. Mais elle me dit, où ils ont trouvé cette photo? Je sais, moi, où ils ont trouvé. Montre-moi le lien pour voir si c'est elle. Ah. Sandrine, envoie-moi le lien, s'il te plaît. Ouais, je t'envoie le lien. Mais le. On va foutre le prix, toi. Toi, t'es pas prêt, toi. Toi, t'es pas prêt, Sadou, toi. T'es pas prêt avec la vraie sauce, là. Sandrine est le king. Mais c'est pas pour ça que quoi. Bon, bah bon, on va se retrouver avec la nuit sans qu'on pote. Tu fais exprès d'être con ou... Attends. Explique-moi aussi. Exprès, là. Rassure-moi, tu le fais exprès. Non, mais qui t'a demandé de rentrer? Je t'ai pas demandé de rentrer, moi. Je t'ai dit que quoi que tu penses, je ferai ce que j'ai à faire et je le ferai avec Mehdi. Demandez-moi, jeune homme. On va dessouder. Est-ce que c'est... C'est Sophia qui t'a demandé de faire une vidéo, pas moi. C'est pas moi qui t'ai. Alors attends. Moi je suis avec Sandrine, on va dessouder. Celui qui est pas content, on s'en bat les couilles. Moi je te le dis juste, Adman. Mais par qui tu t'es pris un savon? Non, mais moi, c'est pas moi qui t'ai mis un savon. C'est Sophia qui voulait que tu fasses une vidéo. Mais Sophia, elle voulait que tu fasses une vidéo sur couscous. Et toi, t'as pas voulu. Qu'elle ressorte un privé. Elle m'a tout dit, Sandrine. Regarde Sandrine, tu as bien vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, regarde sa réponse. Donc tu vois, quand je te dis des trucs, tu vois, par rapport à ce qu'il a dit, ben, tu comprends la réponse qu'il a. Mais moi, écoute, le problème, c'est que Sandrine m'explique quelque chose, et toi, tu le sais, donc Sandrine, là, elle se dit, mais où je mets les pieds? Est-ce que Chadmal est avec moi? Est-ce qu'il n'est pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. T'as raison. T'as raison, Chadman. Voilà, moi, me mets pas dans tes histoires, s'il te plaît, tu vois, me mets pas dans tes histoires, c'est bien. Putain, j'ai eu un bug, ouais. Parce que j'étais en train de te chercher le lien de ces barfons. Okay. Donc, moi, je disais justement, en fait, par rapport à ce qui s'était passé avec Sophia, par rapport à la conversation, toi, Sandrine, tu m'avais dit que c'est parce qu'elle voulait que Chadman sorte des privés sur couscous, et lui, il a dit non, c'est bien ça. Elle voulait sortir les siens, c'est elle qui voulait sortir des privés sur méga, couscous, etc. Et elle voulait que Chadman lui fasse la vidéo. Ah, ça. Donc, en fait, elle voulait donner ses offres à Chadman et que Chadman fasse un montage. Ok. Et Chadman, lui, a dit non. Et Chadman, lui, a dit non, mais Chadman, il ne veut pas l'avouer. Parce que moi, Sandrine, elle me dit des trucs. Tu sais, Chadman, moi, je sais des trucs. C'est pas question de conflit. C'est que moi, je sais des choses, Chadman. Et tu vois, quand tu essayes de cacher comme ça, j'ai l'impression que tu mens, tu prends les gens pour des cons au lieu de dire tiens, c'est ouais, mais moi, t'as dit ça. Mais tu es pas entre deux étaux. Mais non. Tu n'es pas entre deux étaux. Non, non, je ne vois pas pourquoi tu es entre deux étaux. Moi, je te demande rien. Il y a combien de temps cette photo qu'elle est sortie? Parce que là, je ne la vois plus. Il faut que tu descendes là, dans les postes. Et, parce que là, elle a mis ses chats. Là. Il y a, alors attends, je vais te dire. Il faut descendre. Top, hop. Il y a, je crois qu'il y a 3 jours. Ouais, 5 jours. Voilà, il y a 5 jours, tu vas voir, il y a une photo. Elle a mis des trucs, mais il y a le visage de Sophia là. Et elle a mis un clown dessus là. Et à côté, ben, il y a d'autres personnes. Et même Sophia, elle me dit. Et où ils ont pris cette photo? Je dis, si toi, tu sais pas où tu vas, ma cocotte. C'est pas moi qui vais te le dire. Ah ouais, mais de toute façon, on le voit un petit peu à son œil que c'est elle. Ouais, c'est elle. L'autre, elle a masqué le visage des autres. Je regarde le truc qu'elle a mis, mais bon, elle, de toute façon, elle, les bâtons du net, c'est Latifa Galdi, on sait qui c'est. C'est l'ancienne modératrice du Curton, c'est la pote d'Harvé, encore un autre complotiste, c'est... Et le pote à one shot d'ailleurs. Ces gens-là, on en tient loin. Hein. Donc, là, c'est le genre de gens qui affichent des photos privées. Non, moi je te mets pas dedans. Non, je te mets pas dedans. Neveu. Est-ce qu'il y a pourquoi t'as un stress Shadow, on n'a pas dit qu'elle est dedans, non? Absolument pas. On n'a pas dit qu'elle est dedans, non? Ben non. Non, pourquoi? Nous, on va faire notre truc à nous, on n'a pas besoin de te mettre dedans, on parle un peu avec toi, tranquille. Mais ça mal, avoue que t'aimes participer au game. Dis-le! Il kiffe! Là, il se dit, oh là là, ça va être quelque chose, là. Ah, non, Neveu, on connaît. Tant que je suis là, tant que je suis au poste, tant que je suis posté, dis-toi encore, il y aura des nouveaux épisodes. Là, en fait, parce que, regarde, il sait très bien ce que t'es capable de faire au micro, et il sait ce que je suis capable de faire au micro. Donc là, il est en stress. T'inquiète, Chadman, on est là, Chadman. Moi, laisse, t'inquiète, Chadman. Moi, je te connais depuis longtemps. Donc, t'inquiète. Moi, quand je te dis des trucs, c'est pour ça que ça m'avait blessé, parce que quand je t'avais dit des trucs, c'était sincère. Quand je t'ai dit viens, on se voit et tout, c'était sincère, Chadman. Que eux, c'est des merdes. Si, le Babouin, c'est de la merde, je te le dis. De toute façon, tu le verras. Ça m'a foutu le halal, je te le dis, moi. Aïe, Chadman le fait à l'ancienne, vers Kaiser Sosé, hein. On va leur montrer, hein. Toujours opérationnel, toujours au poste. Le tout, tu vas te dire, il est toujours au poste. Aïe, ça y est, c'est foutu. Vous l'avez fait faux, là. Le faux, c'est vrai. L'équipe, toujours au poste, ma gueule, tout c'est bien. Nous, on va rigoler, Chadman, t'inquiète même pas. Tu le sais, Salman, tu le sais. Écoute, Salman, toi, t'es pas un drôle. On a bien compris que t'es pas quelqu'un qui fait de l'humour, machin, blabla. Si, à sa manière, je te jure, si, à sa manière, Sandrine, c'est parce que là, en fait, il se lâche pas. Tu le connais pas quand il est lâché, ce type-là, s'il est déchaîné, il est lâché. Attention, c'est le cas, c'est une tornade. J'ai entendu déchaîner sur Joe Arnaud, sur ma tronche. Ça va, quoi. Là, il est bien. Mais même avec ses trolls et tout, il peut être marrant. Quand je dis marrant, c'est. Tu vois, il est dégueulasse, mais petit marrant en foutant ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il avait des cons. Il était plus ou moins marrant. Je suis capable de dire que j'avais mis ma mère dans un iPad. iPad. Et dans le chat, tu disais iPad ou iPhone 16, iPhone 15. iPad. H-E-P-A-D. iPad. Pas iPad. Apple. T'es matrix Apple, toi. Ah ben, les autres, ils ont relevé. Hein. Non, mais là, t'étais parti dans un délire de malade mental. Oh là là là là. Jusqu'à créer un StreamYard pour Joe Arnaud, un Gmail, pour qu'il ait encore 20 heures gratuits. Le mec, il fait des lives, il n'est même pas capable de payer 20 balles son abonnement au StreamYard. Donc. Crachos. Tu l'arraches, ce genre. Non, mais je l'aime pas du tout. Mais par contre, tu vois, je ne pourrais pas parler avec lui. Chadman, c'est encore un peu différent, t'as vu, parce que même par rapport à cette affaire-là, comme j'ai dit avec la personne qui est là, moi, je n'ai pas accusé ce mec-là. Tu vois, donc c'est encore. Non, mais je veux vraiment que tu l'entendes bien ta bouche, tu vois ce que je veux dire, et que je te le dis bien en privé. Moi, je ne t'ai pas accusé comme ce que j'ai dit en fait en live. Je dirais la même chose en privé. Salman, on est là, il y a des mecs de terrain avec toi. Salman, tu sais tout le temps, Salman, tu me connais ? Toi-même ? Tu me connais, Salman ? Tu sais très bien qu'on peut mettre le halal aussi. Tu vois, on n'a pas peur des gens, tu vois, on va mettre le bordel. Mais non, moi je te dis pas ça, mais de toute façon, tu verras, toi-même, tu verras. Moi, Salman. T'es un ancien aussi, tu sais bien, tu prends ton groupe, tu verras comment. Non, attends. Moi, je comprends, mais qui t'a dit franchir des limites? Salman, tu vas quand même pas m'empêcher de répondre à des gens qui m'ont fait du sale quand même. T'es marrant, t'es bien mignon, mon petit. Mais si toi tu te laisses faire, d'abord, toi-même, quand on t'attaque, tu réponds. Pourquoi tu me demandes à moi de pas répondre ou au King de pas répondre? Sophia, elle a décidé que j'étais amoureuse de Mehdi. Donc, rentre dans ta tête aujourd'hui que je suis amoureuse de Mehdi. T'es tellement plus qu'on l'a dit. Quoi, non? Comment, non? Mais si, je suis là, mais t'es là, et moi, je disais, c'est pas possible, elle a 55 ans, j'ai arrêté de conneries, je la connais même pas. Mais je rentre pas là-dedans, moi, j'ai la vérité. Tu comprends que moi, je suis pas dans le jeu du classe, moi. Tu connais le King? Est-ce que tu connais le King ou pas? Attends. Chalman. Tu permets quand même qu'on ait les deux premières personnes concernées, là? C'est Sophia qui dit à Mehdi que je suis amoureuse de lui. S'il te plaît. Donc, elle est dans ma tête, elle sait mieux que moi, alors que jamais j'ai eu ce genre de propos, que je suis amoureuse de Mehdi, et donc je suis jalouse de toutes les meufs qui l'entourent. Non mais la blague. Qui t'a dit de dire ça? Qui t'a permis déjà? Non mais t'es mieux. La même chose avec mon tournoi. Rien à voir. Rien à voir, mouton. Mouton, rien à voir. Mouton, c'était un peu comme Shadman pour moi, tu vois. Donc, rien à voir. Voilà, moi, quand j'entends tout ça, Sandrine, moi, ma grande, et après, je revois que ça va un jeu. Je me dis, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Et donc, moi, je suis tranquille dans mon coin, mais à un moment, quand je vois qu'on s'attaque à Sandrine, on s'attaque à ses gosses, et surtout, on dit des trucs, on fait pleurer Sandrine, elle a une crise et tout, là, par contre, j'accepte pas trop. Ça, ça se fait pas. T'as vu, moi, t'as vu, quand j'ai parlé de Sandrine, j'ai taquiné. Ça me viendrait pas à l'idée de lui faire avoir une crise. Moi, je sais mettre les limites. Moi, tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé de rentrer en clash avec des gens, ou tu sais, être en clash verbal et tout, puis le gars, il commence à insulter, puis tu dis ta mère, le type, il dit ma mère, elle est morte, oups, ah, désolé, et puis, c'est bon, j'arrête. Moi, il y a eu un froid, j'arrête. Donc, ça veut dire que même si je vais trop loin, pas si la personne va loin, mais si j'irai même trop loin avec une personne comme Sandrine ou une autre, tu vois, que je connais pas vraiment, qui m'a rien fait, mais je m'excuserai que eux, ben voilà, ils font pleurer Sandrine, ils font des lives, ils sont contents. Et c'est pas la première fois. Ah ouais, c'est pas la première fois. C'est ça le problème. C'est que c'est pas la première fois que ça arrive et ça sera pas la dernière. Pas du tout. Pas du tout. Et là, je ne peux pas me comparer à cette femme, parce que moi, je ne m'invente pas des amours pixelisés, là, des histoires, des machins, des blabla. Je n'ai pas du tout le même passif qu'elle sur YouTube. Moi, je ne me suis jamais affiché avec un mec de cette sphère, déjà. Je n'ai jamais été amoureuse de dégain là-dedans. Alors oui, il y en a eu certains avec qui je m'entendais mieux, parce que même délire, même façon de réagir, machin, on avait des bons délires, comme avec Alilou. Et avec Alilou, on avait des bons délires, et pourtant, j'avais sa femme en off. Et il n'y avait aucune arrière-pensée. C'est pas parce que tu t'entends bien avec quelqu'un qu'automatiquement tu es amoureux. Il faut arrêter. Hein. Vous vivez dans quel monde? J'ai été marié et j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu deux. Je sais quand même ce que c'est que d'avoir une vie privée. J'ai vécu avec eux. Hein. J'ai quand même fait deux enfants avec le même père. Vous n'allez pas m'expliquer ce que c'est. C'est pas vous qui allez me dire comment je suis quand je suis amoureuse. La blague. Ah, parce que je rigole avec des gens ou parce qu'on a peut-être des affinités ou des. Et ça y est, je suis amoureuse, mais ça va pas. Va falloir vous détendre. Hein. Je l'ai toujours dit dans cette sphère, le jour où je serai amoureux, je le dirai. Même Mouton Noir, je n'étais pas. C'est là où il y a eu un couac. C'est que lui, il l'était, mais pas moi. Et qu'en plus, Mouton, il avait 34 ans. Déjà, il y avait un grand écart facial, là. Il y avait 20 ans. Et pas du tout mature, en plus. Donc, je lui avais dit, vas-y, on va pas partir dans un délire où ça va pas coller, parce que ça collera pas, mon gars. À 34 ans, t'es encore un tanguy, tu vis chez ta mère. Moi, j'ai pas l'intention à 55 balais de me mettre avec un tanguy, mon gars. T'as jamais vécu avec une meuf, rien, tu sais pas ce que c'est que la vie en couple. Moi, tu vas débarquer chez une morelle où il y a deux gamines de 20 piges et 22 piges, tu vas gérer comment? Je vais avoir trois gosses à la maison? Jamais de la vie, mon gars. Je t'aime bien, j'aimais bien Mouton Noir, parce que j'aimais bien son côté humain. Il avait un côté humain et gentil que j'aimais bien, mais j'étais pas amoureuse. Donc, quand Sophia, en plus, elle compare avec Mouton, mais t'étais dans l'histoire, toi, connasse. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de cinglé. Puis Mouton était trop dans l'alcool. Mouton, il buvait tous les jours. Si moi, je fais l'apéro occasionnellement. Là, j'en ai pas, je vais pas l'en acheter. Je suis pas alcoolique. J'ai pas cette dépendance. Mouton, il était dedans. Tous les jours, il était à la vodka. Il buvait une bouteille de vodka par jour. Eh, j'y ai, mon gars. Moi, je me mets pas avec.